Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, qui s'appelait autrefois Radio Trait d'Union. Ouais, Radio Trait d'Union. Et alors, l'émission de ce soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de cette émission, eh bien, Jean-Luc Mélenchon nous parlera de l'histoire de Louis XI. Vous verrez, très intéressant. Louis XI, c'est un personnage. Hugo Clément, peut-on filmer une mine, ensuite musique, Lagayo et Tagoy Esperanto, c'est une chanson en Esperanto, vous savez, une langue, l'Esperanto quoi, ah oui, la langue qui serait normalement la plus facile à apprendre de toutes les langues du monde, c'est une langue artificielle qui a été créée justement pour ça, pour être facile à comprendre et facile à apprendre, qui pourrait éventuellement remplacer l'usage que l'on fait de l'anglais pour des raisons, je dirais, commerciales. Hein. Alors ensuite, Clément Viktorovitch Macron et l'usine Whirlpool. Ensuite, Hugo Bernalicis accuse le garde des Sceaux d'être illégitime. Vous vous rendez compte, illégitime, un garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de la Justice, qui serait ou qui est illégitime. Oh, oh. Éric Coquerel de la France Insoumise, 27 migrants morts dans la Manche. Propagande gouvernementale, les masques, 1 minute 42. Eh oui, c'était au tout début, vous savez, de l'épidémie de Covid. Et le gouvernement, manifestement, il était complètement perdu. Hein. Quand les journalistes ont posé une question, ils ne savaient vraiment pas quoi répondre. Hein. Alors c'est court, mais c'est dense quand même. Ensuite, propagande gouvernementale, alors les masques, centrale nucléaire, panne, maintenance. Voilà, alors, avec de la musique, des chansons bien sûr, et puis une petite revue de presse, ce sera fini pour ce soir. Calendrier des esclavages et des libérations. Nous sommes le 6 décembre. Le 6 décembre, alors là, on voit sur mon petit livre, il y a un dessin, Saint-Nicolas, qui tient sa canne d'évêque d'une main, qui tient une lettre de l'autre main, et puis à côté de son âne, et puis il est en train de lire. « Cher Saint-Nicolas », alors « cher » c'est C-H-A-I-R, « Saint » S-I-N, plus loin « Nicolas » N-I-C-O-L-A, « Pourriez » P-O-U-R-I-E, accent aigu, trait d'union, vous, « Donner » D-O-2-N-E, et barré, « Du travail » T-R-A-V-A-I-2-L-E, « À mon papa », point d'interrogation, merci, signé Toto. Voilà, le métier devient de plus en plus difficile, dit Saint-Nicolas. Ça devient de plus en plus difficile d'être Saint-Nicolas, de remplir son rôle. Hein. Voilà. Et les pouvoirs publics, les gouvernants, ceux pour lesquels on a voté, ou enfin, vous avez voté peut-être, voilà, qui sont responsables. Le mot responsable, faut pas oublier de mettre une majuscule devant, parce que c'est un mot très important, le mot responsable. Responsable. Devant l'opinion publique, devant la justice, devant leur conscience, quand ils sont devant la glace, hein, qui viennent de toucher leur pays de députés, de sénateurs, de PDG, de banquiers, de grands commerçants, etc., qui manipulent beaucoup d'argent, et que tout à coup, momentanément, ils pensent au chômage, eh ben, bon, ça doit pas être beau l'image dans la glace, hein. Alors, que s'est-il passé le 6 décembre? En 1891, en France, une explosion dans une mine de Saint-Étienne engloutit 74 mineurs. 1901, Espagne, grève des métallurgistes à Barcelone. 1912, Chine, droit de vote pour les Chinois qui ont 21 ans, qui possèdent des terres d'une valeur de $500 et qui ont une formation supérieure. Ouais, Mao Tse-Tung est passé là derrière. Après, il a changé un certain nombre de choses. Celle-là, par exemple. 1914, Mexique. Pancho Villa, qui soutient Emiliano Zapata, chef des paysans indiens révoltés, entre à Mexico. Mais la contre-révolution ne s'avoue pas vaincue. Emiliano Zapata, c'était quelqu'un, hein. Eh oui. 1918, Allemagne. Tentative de putsch. Contre-révolutionnaire à Berlin. 1921, Irlande. Signature du traité anglo-irlandais. L'Irlande du Sud devient un État libre reconnu par le roi George V de Grande-Bretagne. Le Parlement de Dublin reçoit un pouvoir législatif et exécutif. 1923, Allemagne. Le Mark Or, qui valait en janvier 4281 marques papier, en vaut 1 milliard en 1923. La prospérité industrielle a comme contrepartie la misère populaire où le national-socialisme de Hitler va trouver un terrain de choix. Le nazisme, il va pousser dans le chômage, dans la misère. Alors nos gouvernants, nos chefs, nos dirigeants, nos gestionnaires, nos financiers qui fabriquent de la misère, qui fabriquent du chômage, eh bien en même temps, ils fabriquent, ben on verra bien, hein, ça dépendra comment vous votez. 1923, Mexique, des syndicalistes indépendants appuient un soulèvement militaire. Le mouvement est écrasé avec l'aide des ouvriers de la centrale syndicale pro-gouvernementale. 1928, Colombie. Le gouvernement lié à la United Fruit Company décide le massacre des ouvriers bananiers en grève. On compte plus de 1400 morts. Massacre des ouvriers bananiers en grève, on compte plus de 1400 morts. Oui, vous aviez bien entendu. 1932, Japon. Résolution de la Société des Nations contre le Japon à cause du non-respect des conventions internationales vis-à-vis de la Chine. 1975, Australie. Les aborigènes s'opposent au vol des terres. Nous, peuple aurukain, nous permettrons pas que l'on creuse des mines dans notre pays. Nous n'accepterons aucun argent pour nos terres. Notre terre est sacrée pour nous. Nous y chassons et nous y avons des lieux saints. Nous devons protéger notre culture. 1975, Philippins. Le jour de la visite du président Ford à Manille, 6000 travailleurs se réunissent sur la Plaza Miranda pour protester contre les décrets qui suspendent les droits fondamentaux de la classe ouvrière. 1982, Argentine. Pour la première fois depuis l'existence du gouvernement militaire, le pays est paralysé par une grève générale de 7 millions de travailleurs. Il faut montrer au gouvernement que le peuple est uni. Tiens, ça c'est une idée. Il faut montrer au gouvernement que le peuple est uni. Jean-Luc Mélenchon, votre admiration pour Louis XI s'explique-t-elle par le fait que c'était un monarque centralisateur ou bien parce que c'était un stratège rusé ? D'abord, je l'admire parce que j'ai eu le bonheur d'entrer en contact avec une belle biographie, celle de Paul Murray Kendall. Et j'ai eu ensuite le bonheur de découvrir que le président Mitterrand était un enthousiaste aussi de cette biographie. L'intérêt du roi Louis XI, c'est la force de l'esprit. Quelqu'un qui réfléchit et qui, de manière ostensible, affiche son renoncement aux apparences. Il porte un pot au chapeau en feutre, avec des médailles de plomb dessus, il est très très croyant, même on peut dire superstitieux. Quand il arrive, on ne sait jamais que c'est lui. Les gens disent, mais c'est lequel le roi ? Les gens disent, ah c'est lui, alors il a un cheval, bon, ordinaire, un gros manteau. Bon. Et il a une vision de l'État qu'il est en train de construire. Il s'est bien entraîné dans le Dauphiné, il a appris à travailler avec un parlement, bon, de l'époque, hein. Bon, il comprend comment ce pays est vraiment décidément grand et qu'il faut être capable de faire avec tout ça. Il a une idée. Mieux vaut la paix, la plus coûteuse que la guerre. Il faut se souvenir que tous ces gens ont eu à connaître des horreurs épouvantables. Hein. Vous savez, l'impôt, il est né en France de l'idée qu'il fallait qu'il y ait une armée permanente. Pourquoi ? Parce que le pays était traversé par les grandes compagnies, qui sont des voyous, qui tuent, pillent tout le long, parce que sont des mercenaires. Donc, Louis XI est pénétré de cette idée. Il est assez caustique, parce qu'il dit « ma grand-mère était une catin ». Sous-entendu, je ne sais même pas si je suis vraiment le petit-fils du roi. Hein. Mais il assume le rôle de manière grandiose. Et il affronte un personnage extravagant, qui est Charles le Téméraire, qui est en train d'essayer de construire, il a beaucoup d'argent cet homme-là, il est en train d'essayer de construire un royaume. Vous savez, c'est à peu près les cartes d'après Charlemagne, on les retrouve pendant 1000 ans, hein, on se tape autour des mêmes frontières. Et il va affronter ce type très puissant, très malin aussi, qui connaît bien, il a vécu un temps à la cour de son père, quand il était en exil, parce qu'il s'est fâché avec le sien de père, donc c'est un trublion, hein, Louis XI. Mais quand il exerce l'État, il exerce l'État. Moi, je me reconnais assez dans ce genre de personnage. Et il va vaincre l'autre par son intelligence politique. Il va utiliser la folie grandiose du personnage. Des fois, ça tourne mal pour lui. Parce qu'il en fait trop, quoi. C'est trop de ruses, à la fois. Et une fois, il a failli se faire prendre. Il a tendu un gros piège au téméraire. Il a laissé bien s'avancer. Il dit la première place qui résiste, le téméraire aura perdu. Il le roule continuellement. Bon, à un moment donné, il a même failli le tuer à la bataille de Montlhéry. C'est en Essonne que ça se passe, cette histoire-là. À un cheveu près, on a été débarrassé. Je ne vais pas faire une incise sur ce moment, mais il est magnifique. Il est magnifique, car je vous le raconte quand même. Il a gagné la bataille, mais il faut faire rembarquer les Anglais, à n'importe quel prix, qu'ils repartent et que tous ces gens-là s'en aillent et que le pays retrouve la paix. Donc les Anglais ont... au fond, pas tellement envie de se battre. Donc il dit, oui, payez-nous un tribut. Alors le roi, tribut quand même, les grands seigneurs français disent, ça va pas, nous on va pas payer un tribut aux Anglais. Si, si, on va payer. Et il leur paye un banquet, pour commencer, un énorme banquet. Alors il y a du pâté, du vin et tout. Et il signe. Oui, oui, tous les ans, vous aurez tant. Et il se donne une arme. C'est que le jour où il arrêtera de payer, les autres seront pris à la gorge. Et il va s'en servir à un autre moment de l'histoire. Mais le jour où il fait ça, les Anglais signent et rembarquent. Et les seigneurs français sont éblouis de la ruse de leur chef. Et tout ce petit monde-là boit des coups, ils mangent et tout. Et le roi Louis XI fout de la gueule des Anglais. Il dit, bon, putain, on les a achetés avec du pâté et du pinard. On les a fait repartir, tu parles de guerriers et tout. Et à ce moment-là, il est saisi parce qu'il voit un type au fond de la salle. Il dit, celui-là, je ne le connais pas. Alors le gars arrive, sire, tout ça, mais qui êtes-vous? Alors l'autre il dit, ben, je suis un marchand de vin de Bordeaux, c'est moi qui ai amené les fûts qu'il y a là, qui sont très bons et tout. Et le roi se dit, ma langue m'aura coûté cher. Donc il lui dit, voilà, il prend une grosse bourse plein de pognon, il lui donne, et lui dit, une condition, vous rentrez chez vous, vous ne parlez à personne, et ce seigneur-ci va vous accompagner. De manière à ce qu'il n'y ait pas, il dit surtout aux gens, pas d'histoire avec les Anglais, le temps qu'ils remontent dans leur bateau. Et ce type est raccompagné, et le roi dit, ma langue m'aura coûté cher. Alors s'il y en a un ici qui peut dire ça, c'est bien moi. Et j'étais sur les grosses ruses, donc il finit par... il a inventé un piège compliqué, trop compliqué. Et il va à Péronne voir le téméraire. Et là, pas de peau, au moment où il est avec le téméraire, se déclenche la révolte de Liège. Donc Liège, il faut se rendre compte, c'est la Wallonie actuelle, n'est-ce pas ? Francophone. Et les insurgents, évidemment, se réclament du roi de France. Forcément, c'est lui qui paye. Donc, alors l'autre éclate de rage et réellement, il compte tuer le roi. Alors c'est ses conseillers qui lui disent, mais non, dans le droit féodal, vous êtes son vassal, vous pouvez pas tuer votre suzerain, c'est impossible, lui, d'une telle rage, j'en ai rien à faire de tout ça, je suis le grand duc d'Occident, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans l'entourage, il y a un type qui en réalité a été fasciné par l'intelligence politique de Louis XI, qui est Philippe de Comines, et qui va convaincre le téméraire, lui dire, ne faites pas ça, c'est un crime abominable que de tuer son suzerain. Alors le téméraire finit par se calmer, enfin tout est relatif, et il dit, eh ben, vous allez mettre l'uniforme de Bourgogne, lui dit-il le roi, et vous allez venir avec nous à Liège. Et voilà le roi de France, avec une bannière de Bourgogne, courant dans les fossés de Liège, au cri de Bourgogne, Bourgogne, pendant que les autres qui sont sur les murailles jettent des pierres sur ceux qui sont en dessous en criant le roi, le roi. Et le roi, il est là dans le fossé de l'autre côté. Là, ça a été un peu loin dans la ruse. L'affaire se finira bien, le téméraire est réellement fou, et Louis XI est très habile, parce que quand il le voit s'engager en Suisse, il se dit « c'est bon, je le tiens ». Et les Suisses lui disent « venez, venez, venez, venez nous aider ». Il dit « oui, oui, j'arrive, attendez d'abord, je vous envoie l'argent ». De l'argent, toujours de l'argent, pour que les autres se battent et pas lui. Et les Suisses se mettent en mouvement. Il y a des scènes, lisez ça, c'est magnifique. Le téméraire, c'est le grand seigneur, vous voyez. Alors il est là, entouré de tous ces gens, et ça bavarde, et ça parle, il se promène en fait. Et alors on fait monter l'artillerie comme ça, la cavalerie par là, les fantassins comme ça. Et puis tout d'un coup, on entend d'énormes sons de trompes dans la forêt, et apparaît des pics et une bande de Suisses, dont le chef était un nain, ça ne s'invente pas, barbu, qui lui est habillé en blanc. Et stupeur, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc le téméraire commence, alors il dit « bon, l'artillerie, vous redescendez, la cavalerie, vous montez, les fantassins, vous allez tout droit ». Et ceux qui sont sur le terrain comprennent rien aux ordres. Donc quand ils voient l'artillerie descendre, ils disent « mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? On a perdu, on sauve ». Donc les cavaliers foutent le camp de l'autre côté, les piétons du déodat. Le téméraire n'a même pas le temps de faire la bataille, il est vaincu, séance tenante. Et la petite histoire drôle, c'est que les Suisses vont courir presque 2 km, donc imaginez-vous avec une pique de 6 mètres de long, ce que ça peut être, hein, comme effort physique. Donc en route, il y en a qui meurent. Et quand ils arrivent sur le camp du téméraire, heureusement pour lui, ce sont des paysans, et des bourgeois, donc ils pillent. La bataille s'est en quelque sorte arrêtée. Et surtout, circonstance accablante pour eux, il y a un bordel de campagne. Et l'armée suisse va s'arrêter à cet endroit-là. Et donc le téméraire peut se sauver. Mais la fois d'après, alors les Suisses disent « formidable, le roi, venez, oui, oui, j'arrive, voilà, il y a encore des sous, tenez ». Et à la bataille suivante, le téméraire n'a même pas le temps de monter à cheval. Et ça, on le sait par le récit d'un ambassadeur qui lui dit « mais monseigneur, il faut s'en aller ». L'autre, il ne comprend pas, il vient d'apprendre que les Suisses arrivent, et les Suisses ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. À l'époque, quand un seigneur féodal tombait de cheval, il ne peut plus se relever, à cause de l'armure et tout ça. Donc, il crie un truc, grâce ou pitié, etc., et on les prenait à rançon. Mais les Suisses, eux, comprennent pas de quoi on leur parle. Donc, ils ouvrent les trucs et quick, leur coupent la gorge. Et le peu qu'il y avait est foutu dans le lac et noyé. Et donc, dans ces deux occasions-là, les Suisses ont pillé le camp, enlevé des trésors gigantesques, dont un diamant magnifique qui a circulé pendant plusieurs siècles dans le monde chrétien et musulman. Mais à chaque fois, c'est l'impétuosité qui leur a perdu, confronté à l'intelligence tactique d'un homme qui se moquait de son amour propre et qui ne s'occupait pas de l'apparence des choses. Il acceptait de donner le sentiment d'être faible, il acceptait de donner le sentiment d'être humble, il acceptait de donner le sentiment d'avoir perdu, du moment que, sans arrêt, sa cause avançait. Et l'autre, pendant tout ce temps-là, et c'est très important à comprendre, dans l'action politique, qui est dominée par les hommes, et les mœurs masculines, l'amour-propre, l'orgueil joue un rôle considérable. Et la monnaie dont on peut le plus facilement payer les autres, c'est de leur amour-propre, qui au fond n'est rien, une apparence. La seule chose qui compte, c'est le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir et l'existence d'un État, et la garantie qu'il donne de sécurité et de tranquillité. Au fond, deux choses sont des indices de civilisation, le vin et les impôts. Le vin, parce que pour que ça soit bon, il faut qu'il y ait du temps. Et donc, quand vous n'avez pas pété les barriques en cours de route, parce qu'il y a des bastons. Et l'impôt, parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un qui vous dit qu'il vous le prend pour votre bien. Et vous acceptez. Et si vous acceptez, c'est pas que vous êtes stupide, c'est que vous avez compris que c'est votre intérêt. Donc, la paix est une vertu première. Deuxièmement, l'État, comme garantie de la durée de l'action publique, plutôt que les fantasmes ou les frasques de personnages, si brillants soient-ils. Et voilà pourquoi l'histoire ancienne devrait enseigner aux hommes politiques contemporains où est le vrai centre de gravité de l'histoire longue de notre patrie. Jean-Luc Mélenchon, merci de nous avoir accordé cet entretien pour les lecteurs et les amis d'Hérodote.net. Viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, en septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens, vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, tu souris mon père. Viens, viens, tu verras ma mère. Des journalistes français ont été arrêtés pour violation de propriété. Pour avoir essayé de filmer les manifestations dans le site minier d'Anani. Hugo Clément, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez été arrêté? On était juste en train de filmer ce qui se passait. Hey Donnie, leave it in the ground. On pourrait se croire à la kermesse, mais détrompez-vous. Malgré leur sourire, ces retraités australiens sont en train de bloquer un site industriel. Hello. Hello. Bonjour. Comment vous vous appelez? What's your name? Mary. How old are you? Quel âge vous avez? 77 ans. Hein, John? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici? Cette compagnie participe à un nouveau projet d'Adani. Construire la plus grande mine de charbon de l'hémisphère sud. Nous devons arrêter ça. La grande barrière de corail pourrait être endommagée par le va-et-vient des bateaux. Et si on perd ça, on perd la plus grande barrière de corail du monde. Ça peut paraître étonnant de voir des grands-parents comme vous bloquer un site, faire de l'action directe comme ça. Je fais ça car j'ai des petits-enfants et j'ai une responsabilité envers eux, envers tout le pays et envers les générations futures. Si ses grands-parents sont prêts à tout, c'est parce qu'ils luttent contre un projet complètement fou. La construction d'une des plus grosses mines de charbon de l'histoire. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes venus jusqu'ici. Les travaux viennent de commencer. Le charbon sortira bientôt de terre et une fois brûlé, il participera au réchauffement climatique. À la manœuvre, l'entreprise Adani, une multinationale basée en Inde. Chiffre d'affaires, 11 milliards d'euros. Cette mine sera gigantesque, l'équivalent de la superficie de Lyon, Nantes, Pau, Tours, Lille, Dijon et Bordeaux réunis. Production envisagée, une tonne de charbon par seconde. Ce minerai sera exporté vers l'Inde via le port d'Abbot Point, situé tout près de la Grande Barrière de Corail. Un port qui devra être agrandi pour permettre aux navires charbonniers de passer quotidiennement en plein milieu des récifs coralliens. Les coraux ne peuvent pas se défendre seuls, mais ils peuvent compter sur des Australiens qui ont choisi de résister. Et en particulier sur cette jeune femme. La science est formelle. Émilie. Nous vivons la 6e extinction de masse de notre planète. Ils sont censés agir au nom du peuple, mais en fait ils agissent au nom des multinationales. Ces Australiens ne se contentent pas de manifester. Ils bloquent aussi les rues. Tous les moyens sont bons pour stopper le projet. On ne peut pas prendre soin de nos familles. Pourquoi elles ne comprennent pas ça? On est là pour protéger notre communauté. On est là au service du peuple. On a choisi la désobéissance civile car c'est notre dernière option. On a tout essayé. On n'a plus le temps de tergiverser. Les activistes préparent un coup d'éclat. Ils nous invitent à les rejoindre directement sur leur ligne de front. Ce camp, perdu au milieu du bush. Hello. Qu'est-ce que vous faites? Il y a d'énormes fourmis qui sortent de ma veste. Oh. Bienvenue en Australie. Ah ouais, effectivement, elles sont énormes. Ouais, elles sont gigantesques. Elles mordent? Oui, en plus, elles font vraiment mal. Ils ont des morceaux de corail mort ici, c'est un peu le symbole de leur lutte contre l'industrie du charbon. Ça va, on a le droit de chanter? Ils sont une trentaine à vivre ici toute l'année. Parmi eux, un Français. Si, c'est ma famille. Rémi a tout quitté à Marseille pour venir combattre l'industrie minière. Pourquoi c'est une ligne de front ici? Parce que du coup, on est situé juste à côté de la voie ferrée. Qui est une voie ferrée que pour ça, que pour les trains de charbon qui mènent de la mine directement au port et après ça part dans le monde entier. Des wagons à perte de vue. Ici, il n'y a jamais eu de train de voyageurs. Les rails qui transpercent la forêt ne sont destinés qu'au charbon. C'est la ligne privée des compagnies minières. Train de charbon comme celui-ci qui traverse le bush en direction de l'océan. Il y en a plusieurs fois par heure, 24 heures sur 24. Certains font plus de 2 km de long. Et si la mine d'Adani ouvre, il y en aura encore plus. Il faudra même faire une extension de la voie ferrée pour raccorder directement la nouvelle mine au reste du réseau. Les militants sont prêts pour leur opération coup de poing. Ce sera demain matin. Ce soir, c'est un peu veillée d'armes sur le camp. On sent pas mal de tension. Nous, on va au lit parce que l'action commence très tôt demain matin. Il faut qu'on soit en forme. Six heures. Le convoi se met en route. Je suis prêt. Qu'importe le risque. Toujours une partie d'excitation, un peu stress. Rémi garde le secret jusqu'au dernier moment. C'est ici. Ils vont bloquer la voie ferrée, en fait. J'ai ma main attachée à l'intérieur, donc c'est impossible pour la police de me sortir de là. Le baril est ultra lourd et s'ils essaient de le faire tourner, mon bras sera disloqué et ils n'ont pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer là? On va être arrêté et envoyé en prison. On passera devant un tribunal et j'espère qu'on s'en sortira avec juste une amende. La police arrive au bout de quelques minutes. Tout le monde ici est en train de commettre une infraction. La police va arriver pour vous demander vos pièces d'identité. On est censé leur présenter, sinon c'est une infraction supplémentaire. On pensait être témoin de l'arrestation des activistes. Mais la vie est pleine de surprises. Il commet une infraction. Les journalistes devraient le savoir. Ils sont en train de nous arrêter parce qu'on est dans une propriété privée. Yes. Vous êtes là en tant que journaliste? Yes. Oui, regardez, il y a deux caméras. Trois caméras. Eh bien, tous les caméramans se trouvent sur la voie de chemin de fer. Donc vous pouvez tous aller là-bas pour recevoir votre procès-verbal. Allez, tous les trois. Tout le monde sort de la zone. Vous aussi. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi. Toute notre équipe est arrêtée. Ah, lui aussi, il est en état d'arrestation? Les policiers semblent nous viser spécifiquement, parce que nous sommes journalistes. Les mains dans le dos. Les militants, eux, ne sont pas embarqués. Du coup, on leur donne nos caméras pour qu'ils continuent à filmer. Ils ont embarqué l'équipe de tournage. Donc on n'a plus d'équipe de tournage. On a perdu les Frenchies. Ils sont arrivés d'un coup, ils ont attrapé Hugo, ils l'ont mis à l'arrière, là. La police nous emmène, direction le commissariat. Ces images sont tournées par Rémi, l'activiste marseillais qui a récupéré notre caméra. Pourquoi la police a-t-elle voulu nous empêcher de filmer? Pourquoi nous arrêter, nous, et pas les militants? Rémi et sa bande viennent nous récupérer à la sortie du commissariat. Bon, bah on sort de 7 heures de garde à vue. Officiellement, on a été arrêté parce qu'on était à proximité des rails, ce qui est interdit. On a eu beau leur expliquer qu'on était journaliste, qu'on faisait juste notre métier, ils n'ont rien voulu entendre. Et ils nous ont remis en liberté à certaines conditions, des conditions très étranges. C'est marqué ici, on n'a plus le droit de s'approcher à moins de 100 mètres de tous les sites qui appartiennent à Adani, que ce soit le port, les rails ou les terrains. Et on ne peut pas aller à moins de 20 km du futur site de la mégamine de charbon. Bon, l'objectif de cette arrestation, c'est de nous empêcher de bosser. Notre arrestation et ses clauses incroyables font l'effet d'une bombe en Australie. Des journalistes français ont été arrêtés pour violation de propriété. Pour avoir essayé de filmer les manifestations dans le site minier d'Adani. Hugo Clément, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez été arrêté? On était juste en train de filmer ce qui se passait. Et cette affaire fait bien plus de bruit que ce qu'on aurait pu imaginer. L'action de la police du Queensland fait les gros titres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et évidemment en France. Le journaliste de France 2, Hugo Clément, arrêté dans le Queensland. Même le Sénat australien débat de notre cas. J'ai vraiment été choquée que la police du Queensland ait arrêté un journaliste. Ça me dérange car cela donne l'impression que la police a été embauchée par Adani. Et maintenant, nous sommes en train de créer un incident diplomatique international. Tout cela n'a rien à voir avec la liberté de la presse, ni de près ni de loin. Autant que je sache, personne n'a confisqué les images de M. Clément. Alors qu'est-ce qui est vraiment important? Eh bien, ce sont nos emplois qui sont importants. Nous devons nous battre pour la protection des journalistes, des lanceurs d'alerte et pour notre communauté. Les soutiens font chaud au cœur, mais ne changent rien à notre problème. On ne peut plus approcher les sites miniers. Ça va être compliqué pour finir leur reportage. Ouais. Disons que... je pense que vous aimez le challenge. Nous sommes encore plus déterminés à aller voir ce port dont tout le monde nous parle. Pour le situer, c'est facile. Il suffit de suivre la voie de chemin de fer en direction de l'océan. Le port d'Abbot Point est dans cette direction-là à quelques kilomètres, mais la route qui y mène est une route privée qui appartient à Adani et qui est très surveillée, donc c'est impossible pour nous de l'emprunter. Rappelez-vous, la police nous interdit d'approcher à moins de 100 mètres des terrains de la compagnie minière. Si nous ne respectons pas ces consignes, c'est la prison assurée. Du coup, on a tenté une autre solution, louer un bateau pour accéder au port par la mer. Hello. Bonjour. Hi, I'm fine. Je suis le journaliste français qui a réservé le bateau. The boat the other day. Yeah. Well, Ben, la police m'a téléphoné et m'a dit « On pense qu'ils sont avec les manifestants contre Adani. » Et moi, je veux pas que mon bateau ait quelque chose à voir avec ça. Je sais pas ce que vous alliez faire. Mais comment la police savait que c'était moi? Ils vous ont demandé mon nom? Ben oui, ils m'ont demandé qui était sur le document pour le bateau. Et vous avez donné mon nom? Ben oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit que vous aviez été arrêté et que vous veniez de sortir de garde à vue. La police a donc été informée que nous comptions louer un bateau pour approcher du port. Et elle a intimidé le loueur par téléphone. Mais pourquoi dépenser tant d'énergie pour nous empêcher de faire des images? Qui a-t-il à cacher? Hello guys. Salut les gars, désolé de vous déranger. On aimerait aller en bateau jusqu'à Abbot Point. Est-ce que vous savez comment on peut faire? Oui, on veut louer un bateau pour filmer le port, pour faire un documentaire. Je connais personne ici qui acceptera de faire ça. Il nous fait signe de le suivre, loin des oreilles indiscrètes. Bon, j'imagine que ce que tu veux filmer, c'est... Adani. Ouais, forcément. Alors tu ne vas pas être très bien reçu ici. Les gens dépendent de cette industrie. Vraiment, tu n'y arriveras pas. Fais-moi confiance. C'est un sujet sensible. C'est très sensible, oui. Bon, honnêtement, on est à deux doigts d'abandonner. Mais après quelques coups de fil, l'espoir revient. Bon, normalement c'est bon, on a trouvé une autre compagnie qui accepte de nous louer un bateau pour demain. C'est depuis un autre port, mais ça devrait le faire. Nous allons enfin découvrir à quoi ressemble le port de charbon. Mais il faut croire que la police australienne est encore plus têtue que nous. On vient de recevoir un texto du loueur qui nous dit « J'ai eu un coup de téléphone des autorités du port, il y a une nouvelle zone d'exclusion autour d'Abbot Point. J'ai reçu un coup de fil de la police et je leur ai dit que je n'irai pas. » Décidément, ils veulent vraiment pas qu'on s'approche de cet endroit. Il nous a aussi envoyé la carte et les infos sur cette zone d'exclusion qui est mise en place entre aujourd'hui et dans 2 semaines, ce qui correspond à la date de notre départ d'Australie. Et elle est immense, la zone, elle fait 12 km sur 9, c'est la taille de Paris. Nous avons épuisé toutes nos options. Il faut se rendre à l'évidence. Le port d'Abbot Point restera à jamais un mystère. C'est en tout cas ce que je pensais, avant d'avoir une dernière idée. Bon, on n'a pas pu y aller par la terre, on n'a pas pu y aller par la mer non plus. Il restait qu'une seule solution. Elle est là. Pas qu'on descende sous les 100 mètres parce qu'on doit rester à plus de 100 mètres des sites d'Adani, c'est ce que nous a dit la police. Oui, j'ai vu qu'on n'avait pas le droit, mais on va rester juste au-dessus pour être parfaitement en règle, ok? Merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Alan Moss. Enchanté. Moi aussi. On est tombé sur le rebelle du coin. Bon, ben on est parti. Ravi de prendre la police à son propre jeu. Cette fois, ils ne peuvent plus nous arrêter. Nous longeons la côte. Au fond, on devine une jetée. C'est Abbot Point. Le port se dévoile sous nos yeux. Voici le monstre qu'on a tant voulu nous cacher. Et on comprend vite pourquoi. Des montagnes de charbon, juste à côté de la grande barrière de corail. Abbot Point est une immense tache noire qui gâche la carte postale australienne. Les autorités préfèrent qu'on vous montre de jolis poissons. C'est mieux pour le tourisme. Cette réalité, ils ne voulaient pas qu'on la filme. Ce port est gigantesque, il peut stocker 2 millions de tonnes de charbon simultanément et il peut en exporter jusqu'à 50 millions de tonnes par an. Les immenses tapis qui transportent le charbon jusqu'aux bateaux stationnés au bout du quai peuvent emmener 12 000 tonnes de charbon par heure, soit plus de 3 tonnes par seconde. Si l'entreprise Adani va jusqu'au bout de son projet, si elle arrive à ouvrir sa méga mine de charbon, il faudra agrandir le terminal d'Abbot Point, qui deviendra alors le plus grand port de charbon du monde, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la Grande Barrière de Corail. Les bateaux traverseront ces récifs par centaines. Le moindre accident sera un cataclysme écologique. Tout cela pour envoyer du charbon vers l'Inde, en dégageant des millions de tonnes de gaz à effet de serre. Il est temps d'obtenir des réponses auprès de l'entreprise Adani. Après de nombreuses demandes, le groupe Adani a enfin accepté de nous recevoir. C'est Lucas Down, le patron de Adani Australie, qui va répondre à nos questions. On a rendez-vous ici, dans leur bureau de Brisbane. Bonjour Lucas Down. Bonjour. Vous êtes déjà allé plonger sur la Grande Barrière de Corail ? Oui, je suis allé sur la Grande Barrière. Vous connaissez la situation de la Grande Barrière de Corail, qui est en train de mourir petit à petit à cause de la hausse des températures de l'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches au sujet de la santé du corail, et c'est toujours en cours. Mais pour mettre les choses en perspective, notre mine représente moins de 0,5% de toutes les mines de charbon du monde. Nous ne sommes pas la cause de tout ça, et nous ne représentons pas une menace pour la Grande Barrière de Corail. Mais vous participez au réchauffement du climat, vous participez au réchauffement de la température de l'eau. Il y a de nombreuses sources d'émissions de carbone dans nos économies. Il se trouve que les gens continuent de conduire des voitures. Il y a les centrales électriques. Et donc, en tant que citoyens du monde, nous avons tous une responsabilité à prendre. D'ailleurs, j'imagine que vous allez prendre l'avion pour rentrer en France. Donc vous comparez le fait de prendre un avion pour venir en Australie faire un reportage ou aller en vacances à vous qui êtes en train de construire une mine qui va produire des dizaines de millions de tonnes de charbon. Vous pensez que c'est comparable ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, le réchauffement climatique, c'est un défi planétaire. Global challenge. En français, défi planétaire. C'est le mot magique. C'est un peu la faute de tout le monde, mais pas de la sienne. Joli vu, hein ? Tout le monde n'a pas la même responsabilité. En construisant des mines de charbon, vous avez plus de responsabilités que quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au travail. Once again, climate change is a global challenge. Global challenge. Global challenge. Once again, climate change is a global challenge. Global challenge. This is a global challenge. Global challenge. Merci. Ça ne sert à rien d'insister. On a compris. Tavernito en la urbo, kutime tie sidas ĉiuj ni. Por diskuti revojn de futuro kaj trinki al kavikoj du aŭ tri. La gaja tago jen pasintaj tempoj jen. Canto danzo rigis in sentina, la vivo pesa sien, con chi unia te, la inura del futuro plana stengen. Pasis jaroj okupitaj, miaj sonĝoj flugis den for, sed ne perdis ni la bona espero. Brilas miaj revoj en la cor, la gaja tagoj jen pasintaj tempoj jen. Canto danzo rigis in sentin, la vivo pesa sien, con chi unia te, la iura futura plana sengen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la il vespere. Samis cio, kiel frue pli. Visaggio sur la glaso, spegulite. Spectrigis tutte fremde, tie lì. La gaia tago ien, pasintai tempo ien, la canto danzo rigis min sen fin. La vivo pesa sien, con chirumia sen, ma io non ar futur planas en gen. Vidas mi vin, vocas vin jenom. Jen amico, igis ni pli agiae, perdigis nur al mi la eta son. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto danzo rigis min sentin. La vivo pesa sien, con tirunia sien, la inular futur planas en gen. Revenez Clément sur l'une des actualités du jour, le déplacement d'Emmanuel Macron à Amiens et cette rencontre ce matin avec d'anciens salariés de l'usine Whirlpool, définitivement fermée après l'échec de deux plans de reprise différents. Situation politique compliquée, défi rhétorique, un chef de l'État peut-il avouer son impuissance? Eh oui, c'est toute la question dans ce genre de situation. On se souvient que Whirlpool avait fait l'objet d'un duel très politique durant l'entre-deux-tours de 2017. Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'étaient tous les deux rendus sur place pour s'engager à se battre afin de conserver les emplois. En 2019, le chef de l'État était revenu après l'échec d'un premier entrepreneur, WN. Il disait alors ceci. Je ne vous oublie pas et j'oublie pas mes engagements. Et mes engagements aujourd'hui, les résultats sont pas au rendez-vous. Donc, on va continuer de bosser. On va continuer de bosser donc avec un deuxième repreneur en effet, Ageco, liquidé à son tour en mars dernier. C'est donc le constat d'un échec industriel qu'était venu dresser Emmanuel Macron. Et que dire dans une telle situation? Eh ben, il y a un précédent qui a fait date. C'était en septembre 1999. Michelin venait d'annoncer plus de 1800 suppressions de postes en France. Voilà comment avait réagi le Premier ministre d'alors, Lionel Jospin, c'était au JT de France 2. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Un véritable aveu d'impuissance de la part d'un Premier ministre réduit à en appeler à la mobilisation des salariés. À l'époque, il avait été très critiqué, y compris au sein de sa propre majorité, de toute évidence, en termes rhétoriques. Un chef du gouvernement ne peut pas confesser sa propre incapacité à faire changer le monde. Est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi à échapper au dilemme? Eh bien oui, et il a mobilisé pour cela un habile procédé rhétorique. La difficulté, c'est qu'on a eu plusieurs expériences, si je puis utiliser ce mot pudiquement, avec des aventures qui ont déçu et marqué tout le monde. Et donc sur le site, il y a eu des reprises partielles d'activités qui n'ont pas été à la hauteur des enjeux et des attentes et qui ont beaucoup marqué les anciens salariés. Alors vous ne l'avez peut-être pas entendu passer. On a eu plusieurs expériences avec des aventures qui ont déçu. C'est l'utilisation de la troisième personne du singulier indéfini, le pronom « on ». Il y a eu des reprises d'activités qui n'ont pas été à la hauteur des enjeux. C'est l'utilisation de la tournure impersonnelle « il y a ». Ces deux formulations ne sont pas dues au hasard. Il s'agit des principaux outils grammaticaux permettant de diluer les responsabilités. Qui est le véritable sujet de l'action, c'est-à-dire le responsable de la situation? Eh bien, en entendant ces phrases, on ne peut pas le savoir. Grâce à ce tour de passe-passe syntaxique, Emmanuel Macron parvient tout à la fois à évoquer le dossier, admettre qu'il a été un échec, donc ne pas donner l'impression de s'en défausser, sans pour autant prendre sur lui la responsabilité. Rhétoriquement, il est beaucoup plus habile que Lionel Jospin. On croit pourtant entendre la même phrase sur l'impuissance de l'État. Eh oui, c'est vrai qu'il l'a prononcée, mais vous allez voir, l'effet produit est radicalement différent. L'État doit quoi ? De former les enfants, d'éduquer, de former, et de donner la possibilité de rebondir tout au long de la vie. Mais l'État n'est pas tout dans la société. L'État ne se substitue pas ni à vos choix industriels ni à la vie économique. Et donc ce que nous devons et ce que nous faisons depuis le début, c'est en effet d'aider aux reprises et de former les personnes. Et après, il y a des expériences heureuses, des expériences malheureuses. L'État n'est pas tout dans la société, mais il donne la possibilité de rebondir tout au long de la vie, et ça aussi c'est habile. Emmanuel Macron confesse au fond la même limite de l'État en ce qui concerne la gestion des dossiers industriels, mais il lie cette question immédiatement à un autre sujet, la protection sociale. Une manière de dire au fond, certes l'État ne peut pas tout, mais il n'abandonne jamais ses travailleurs, une affirmation qui suffit pour conjurer l'impression d'impuissance, alors même que notons-le, cette affirmation n'était pas moins vraie du temps de Lionel Jospin. Voilà comment Emmanuel Macron parvient à s'extraire d'un dilemme rhétorique délicat. Reste bien sûr une réalité factuelle. En 2017, il s'était engagé à se battre pour sauver ses emplois industriels. L'engagement à se battre a-t-il été tenu ? Peut-être bien, mais le combat, lui, hélas, est perdu. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch. Ils étaient usés à 15 ans. Finissait en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour. Le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur tout miséreux. Oui, notre bon maître, couvert de prêtres. Oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mes chers collègues, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je vais trancher un peu avec l'ambiance précédente d'autosatisficite qui devient une habitude en cette fin de mandature. Nous voilà en train d'examiner un texte intitulé « Confiance dans l'institution judiciaire ». Mais imaginons un instant, en pratique, qu'il y ait par exemple un garde des Sceaux dans un gouvernement qui soit, au moment de la discussion de ce texte « Confiance dans la vie judiciaire », mise en cause, pour une prise illégale d'intérêt de ses fonctions de ministre. Imaginons par la suite qu'entre les navettes parlementaires, le même garde des Sceaux soit ensuite mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Tout ça, évidemment, dans le texte « Confiance dans l'institution judiciaire ». Imaginons par la suite qu'il le conteste, qu'il fasse savoir par ses amis, par voie de presse, que tout ça est un complot de syndicats de magistrats et de quelques magistrats. Évidemment, il faut toujours avoir confiance dans la justice de son pays, comme chacun sait. Imaginons, dans le même instant, dans la même séquence, qu'il y ait un poste de procureur à Créteil qui soit disponible et vacant, et qu'il faille y nommer quelqu'un. Imaginons qu'un garde des Sceaux, le même, ait l'outrecuidance de se dire « Et si, par le plus grand des hasards, je choisissais parmi tous ceux qui sont disponibles et disposés à le faire, car ils sont nombreux, à avoir les qualités et les compétences pour le faire, et si j'allais désigner le conseiller justice du Premier ministre en exercice, qui a d'ailleurs la charge d'examiner les dossiers que moi, garde des Sceaux, je ne peux pas examiner, puisque je suis de facto en conflit d'intérêts avec mes anciens dossiers et que je les ai donnés au Premier ministre. Allez voir. Imaginons que je vous raconte tout ça et je vous dise que tout ça est la vérité. Vous me diriez, mais enfin, monsieur Bernalicci, de quel régime vous nous parlez? De quel pays vous nous parlez? Ce n'est pas possible, ce n'est pas la France. Ce serait quand même un affront extraordinaire d'ensuite venir parler à l'Assemblée nationale de confiance dans l'institution judiciaire quand dans les actes, tout ça est foulé aux pieds à chaque instant. On remarquera quand même dans le texte, dans le cadre de la navette, que nous, parlementaires, nous, députés, pour être précis, n'avons pas eu à examiner une modification, certes à la marge, des conditions dans lesquelles on peut qualifier une prise illégale d'intérêt. Cocasse, me direz-vous, cocasse. Alors, je vais quand même examiner le fond de ce texte. Quand même. Oh, ceux qui me connaissent savent que je les examine souvent et longuement, et même si c'est très pénible pour vous, je le fais parce que c'est là mon devoir de parlementaire d'opposition. Dans ce texte, il y a des progrès. Je l'avais dit la fois précédente, je le redis ici. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Le contrat d'emploi pénitentiaire, évidemment, ça va pas assez loin, j'aurais donné une version plus maximaliste, mais enfin, ça va dans le bon sens, c'est un point d'appui. La diminution des critères pour pouvoir garder les gens en détention provisoire, très bien. Moins de détention provisoire, j'y suis favorable. Mettre en place la libération sous contrainte pour les trois derniers mots, j'y suis plutôt favorable, mais ça ressemble quand même bizarrement à un mécanisme de régulation carcérale qui ne dit pas son nom, pour paraphraser le ministre, lui-même qui décriait ce type de mécanisme avec les réductions de peine automatiques qu'il supprime, j'y reviendrai. Et puis d'autres avancées, peut-être plus techniques ou plus en retrait dans le texte, en tout cas moins visibles, notamment sur les affaires non résolues et les crimes en série. Ça a été dit par le ministre tout à l'heure. Et puis enfin, je pensais qu'il y avait une avancée, nous le verrons à l'issue de ce débat, sur le secret de la défense et du conseil attaché entre l'avocat et son client, puisqu'on avait trouvé une bonne version ici qui sortait de l'Assemblée nationale et on ne sait par quel hasard des échanges parlementaires et par quel hasard de la capacité de la majorité à quand même s'accommoder d'une version un peu problématique du secret professionnel de l'avocat avec le Sénat, nous voilà ici à conspuer la corporation qui est corporatiste, hein, évidemment, puisque c'est une corporation. Bref, tout ça semble très mal goupillé et mal organisé. Mais ces progrès sont extrêmement vite balayés, non pas par les pratiques que j'ai dites en introduction et en propos liminaire, mais bien par les régressions et les reculs qui sont actés dans ce texte. Et c'est la raison pour laquelle nous nous y opposerons et nous nous y opposerons encore. Les audiences filmées. Au départ, j'y étais favorable, mais ça devient télé Dupond-Moretti. Alors, le ministère de la Justice pourra choisir les audiences qu'il juge plus pédagogiques, etc., sur des critères dont on ne sait pas lesquels ils seront, avec des équipes de télévision choisies, on ne sait pas trop exactement pourquoi, peut-être le service public, mais pas que, on ne sait pas en définitive ce qu'il en est. Ce que l'on peut savoir, c'est que l'on peut lire par voie de presse, ici ou là, les uns les autres l'auront remarqué, que l'ex-avocat Dupond-Moretti, l'actuel ministre Dupond-Moretti, se verrait bien demain présentateur Dupond-Moretti, sans doute d'une émission télévisuelle judiciaire, pour qu'on arrête de dire « votre honneur ». Oui, il faut arrêter de dire « votre honneur », ça on en est d'accord. La suppression d'une partie des procès d'assises pour les transférer à des cours criminelles départementales. Vous savez, il y a des facéties de l'histoire comme ça, qu'on finit par trouver en recherchant, en grattant, en regardant. Parce que j'ai regardé, les jurés populaires sont issus de la Grande Révolution de 1789. Et cette volonté de remettre le peuple au cœur des institutions judiciaires pour trancher avec la justice d'ancien régime, comme chacun sait. Et à l'époque, cela s'appelait des cours criminelles. On a transformé ça en cours d'assises, ensuite, avec Napoléon Bonaparte et ses successeurs, et on a gardé le terme cours d'assises. Et là, vous remettez le mot cours criminel en supprimant les jurés, qui sont pourtant issus de la Grande Révolution de 1789. Là où nous devrions plutôt discuter de comment nous donnons les moyens à la justice pour davantage associer le peuple, par tirage au sort en l'occurrence, par le biais des jurés, vous nous réduisez drastiquement le périmètre pour des raisons de gestion de flux. Bien entendu, nous n'avons pas assez de moyens, il faut aller plus vite, vous comprenez, le justiciable en a besoin. L'encadrement de l'enquête préliminaire en trompe-l'œil. Évidemment, l'idée est alléchante de se dire on va mettre une date butoir, pas plus de 2 ans, plus 1 an, éventuellement pour les affaires simples, et 3 maximum, voire 5 pour les affaires plus complexes. Et puis on se rend compte que finalement, ok, une fois qu'une affaire arrive à son terme de l'enquête préliminaire, qu'est-ce qui reste comme perspective ? Soit classer sans suite, parce que finalement il n'y a pas d'éléments, ok, très bien, soit aller au procès, au jugement, ok, très bien, soit ouvrir une information judiciaire pour poursuivre l'enquête par d'autres moyens, notamment par ceux d'un juge d'instruction indépendant. Et quand on regarde les statistiques, l'extrême majorité des enquêtes préliminaires durent moins de 3 ans. Il y a une petite minorité d'enquêtes qui durent plus de 3 ans. Alors il y en a qui traînent dans les tiroirs, celles-là effectivement il faudrait quand même s'en occuper et les expurger. Et puis il y a les enquêtes du parquet national financier qui elles durent plus de 3 ans. Parce qu'elles ont des imbrications internationales, qu'il faut aller chercher des documents à l'étranger, que ça prend du temps d'avoir les réponses de tel ou tel pays, de recoller les morceaux, etc. Et cela, on nous dit, plus d'enquête préliminaire, alors que c'était l'objectif du parquet national financier, de tout traiter en préliminaire pour gagner du temps d'enquête et aller plus vite au procès, pour éviter qu'on aille dire ensuite qu'il y a une justice pour les plus puissants qui prend son temps et une justice en comparution immédiate pour les plus faibles. Et en définitive, vous nous envoyez le signal en disant « Eh ben, vous allez retourner devant le juge d'instruction si vous n'avez pas bouclé votre enquête, mesdames et messieurs du parquet national financier, en 3 ans. » Et croyez-vous que vous ayez augmenté, par là même, par voie de conséquence, les moyens de la chambre de l'instruction et les moyens des cabinets d'instruction ? Non, que nenni. Que va-t-il se passer ? Juste une augmentation des durées d'enquête pour les plus puissants de ce pays. Voilà le seul résultat politique à laquelle vous allez arriver par cette proposition, somme toute, assez alléchante. La suppression des réductions de peine automatiques, alors là, on nage en plein délire, on nous explique qu'on va faire mieux de prison, avec plus de prison, en ayant la carotte, en disant il faut que les gens s'investissent dans la prison. Évidemment, on sait que c'est la faute des détenus en prison s'ils ne travaillent pas assez. Non, non, bien sûr, la liste d'attente pour travailler en prison est longue comme le bras. S'il n'y a pas assez d'activité, bien sûr, c'est de la faute des prisonniers, etc., etc. On connaît la musique, et tout ça ne tient pas debout, d'où vos libérations sous contrainte à moins de 3 mois. Les périodes de sûreté, la suppression des rappels à la loi. On n'en a même pas discuté ici de par quoi on le remplaçait, ce n'est que la version du Sénat qui arrive. J'ai même pas pu avoir mon mot à dire. Et pourtant, c'est 21% du taux de réponse pénale. 21% du taux de réponse pénale. Balayé d'un revers de la main par un nouveau sigle. En conclusion, oui, nous allons voter contre votre texte qui comprend plus de choses régressives que progressives. Et oui, il faut restaurer la confiance dans l'institution judiciaire. C'est vrai, c'est vrai. Comment faire ? Par la réforme constitutionnelle que vous n'avez pas faite, que vous aviez pourtant promise. Oui, nous voulons, et nous le ferons avec Jean-Luc Mélenchon en 2022, parce qu'il sera temps pour vous de passer à vos émissions de télévision, monsieur le ministre. Nous rendrons la justice indépendante de l'exécutif en confiant la nomination, le choix et la nomination des procureurs directement au Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature qui sera d'ailleurs réformé pour être plus nombreux, être un véritable conseil avec une part substantielle de la société civile, de sorte à ce que l'on restaure cette confiance avec les justiciables. Et je termine d'un mot, monsieur le Président. Il faudra évidemment que nous puissions avoir une loi de politique judiciaire discutée ici à l'Assemblée nationale pour trancher avec les circulaires du ministre, sorte de mini-fait du prince dont on se passerait bien, notamment en matière pénale. Je vous remercie. Thank you. Bonjour Eric Coquerel. Bonjour. Dans le drame qui s'est déroulé hier au large de Calais, les gouvernements français et britannique désignent tous les deux les mêmes coupables. En premier, ce sont les passeurs, disent-ils. Est-ce que vous partagez ce sentiment, en tout cas cette analyse des choses ? Excusez-moi, mais avant de vous répondre à ça, je voudrais dire quelque chose. De quoi s'agit-il ? Vous connaissez le poème de Villon, Frères humains, qui après nous vivaient, n'ayez le cœur contre nous endurci. Il faut arrêter d'avoir un cœur qui s'endurcit par rapport à la situation. Moi, je suis toujours très étonné d'une chose. Quand il y a une catastrophe de l'autre côté du monde, que nous envoie, par exemple, un tremblement de terre, on envoie des équipes de sauvetage dans des pays qui ont moins de moyens pour sauver, par exemple, un petit garçon, une petite fille, au bout d'une semaine, et nous en sommes tous très heureux parce qu'une vie humaine, c'est compte plus que n'importe quoi. Et là, ce qui est étonnant, c'est que nous avons des personnes qui meurent sur nos littoraux, qui meurent sur nos mers, 2000 en Méditerranée, très vraisemblablement cette année, 31 hier, et nous avons les moyens beaucoup plus simples de l'empêcher, voire de ne pas les provoquer. Monsieur Coquerel, ne le faisons pas. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à cette question d'abord et avant tout. Vous parlez de cœur endurci. Boris Johnson s'est dit, je le cite, révolté. Emmanuel Macron dit que la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Vous trouvez qu'ils ont le cœur endurci, qu'il n'y a pas la prise en compte de la dimension humaine de ce qui s'est passé hier ? Parce que, par exemple, quand on accuse en premier lieu les passeurs, j'ai aucune sympathie pour les passeurs. Mais enfin, là, on parle du moyen. On ne parle pas des raisons pour lesquelles des gens risquent leur vie sur la Manche ou en Méditerranée. Quand vous avez fait 4500 kilomètres, pour fuir vos pays pour des questions climatiques, économiques ou de guerre. Vous croyez que les gens qui font confiance à ces passeurs ne savent pas qui ils sont, bien sûr. Donc il faut se demander pourquoi ils prennent ces bateaux. Première raison, il faut que dans nos pays, nous ayons un accueil digne et humain. On va y venir, mais juste pour revenir sur ces passeurs, c'est une fatalité. Vous dites ces gens viennent et de toute façon, rien ne les arrêtera. Donc, évidemment, il y a des passeurs et on fait bien avec. Évidemment. C'est donc, ce la question des passeurs que l'on... Il faut les traquer, il faut quand même les réprimer mais c'est pas ça, et chercher principal. Et casser les réseaux. Excusez-moi, par exemple, hier, 31 morts, c'est d'abord parce que il y a quelques jours de ça, M. Darmanin était fier d'avoir expulsé, tailladé des tentes dans un camp à Grande-Synthé en mettant 1000 personnes à la rue et en pourchassant donc, c'est lui le premier responsable, les associations qui aident ces gens-là. Vous vous rendez compte que même il y a un délit de solidarité qui s'est installé dans ce pays. Donc la première chose à faire, c'est que si on veut éviter le chaos, si on veut éviter que les migrants qui arrivent dans nos pays soient soumis pour les uns à des passeurs, pour les autres, moi je le vois dans ma circonscription, à des trafiquants de drogue qui utilisent des mineurs. Ailleurs, par rapport au crack, etc., il faut arrêter avec le chaos. Pour arrêter avec le chaos, il faut enfin des centres d'accueil dignes de ce nom, où on fera les premiers travaux administratifs d'hébergement. Et ensuite, il faut faire en sorte, il faut faire en sorte de combattre cette idée qu'on aurait affaire aujourd'hui, là, maintenant, à une vague migratoire qui submergerait tout. Précisément. Et qui empêcherait de la résoudre. Ce n'est pas la réalité. Alors, l'idée, vous parlez des idées, il y a les chiffres, hein. En 2020, la France a accordé 220 000 titres de séjour. C'est 20% de moins qu'en 2019, mais c'est encore 220 000. 25 000 demandes d'asile accordées contre 36 000 en 2019. Il y a une politique de baisse de l'accueil, mais qui est assumée par le gouvernement. Comme vous le dites, ça baisse. Comme vous dites, ça a baissé. Et qu'est-ce que vous préconisez? Vous savez que ça réaugmente? Il n'y a pas la moitié qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Je dis ça parce que c'est par rapport à ces gens-là que aujourd'hui on a les fantasmes de Zemmour, etc. Il n'y a pas la moitié. Et vous ne comptez pas ceux qui repartent. Ou ceux qui, malheureusement, meurent sur le territoire. Donc, en gros, le solde migratoire, c'est à peu près 130 000 personnes par an. Nous avons la possibilité d'en accueillir un très grand nombre. Non seulement c'est pas un problème, mais très souvent pour notre économie, notre culture, notre diversité, c'est une chance. Donc déjà, arrêtons avec cette politique qui n'est pas réaliste, parce que de toute façon, on renverra pas tous ces gens-là. Mais arrêtons, ça veut dire quoi, Monsieur Coquerel? Que ferait Jean-Luc Mélenchon, élu président de la République, qui ouvre les frontières, il accueille tous les réfugiés qui arrivent? Il faut arrêter de l'utiliser politiquement. Fixer des limites, accueille de manière digne ces gens. On a des centres d'accueil qui permettent un hébergement, un traitement administratif. On met des moyens au niveau de l'OFPRA, parce que l'OFPRA n'a pas assez de moyens, ce qui fait que nous sommes le pays aujourd'hui en Europe, un des pays qui renvoyons le plus de demandeurs d'asile. On régularise ceux qui vivent dans notre pays depuis des années, qui travaillent. Est-ce que vous croyez normal que des gens aujourd'hui, parce que c'est de pire en pire, travaillent depuis 10, 20 ans, 30 ans, enrichissent nos pays, parfois ont des enfants scolarisés et autres, et on les régularise pas, on sait qu'ils repartiront pas. Ça, c'est des trappes à majesté. Là, on parle de régularisation. Et en même temps, on revoit des accords comme l'accord du tout. Touquet, parce que nous n'avons pas vocation à Calais à continuer à servir de garde-barrière par rapport aux Anglais. On rappelle ce que sont les accords du Touquet, c'est la Grande-Bretagne qui, en quelque sorte, nous soutraite la France pour traiter ce problème et éviter les flux de migrants et notamment en personnes qui pourraient très bien, même y compris avoir des statuts de réfugiés, qui veulent rejoindre l'Angleterre, eh bien il faut qu'ils puissent le faire, donc il faut renégocier ces accords du Touquet. Et puis, enfin, il faut régler aussi la question, une fois qu'on a géré cette question d'accueil digne, qu'on a arrêté d'en faire une situation chaotique, il faut, au niveau international, voir pourquoi ces gens-là partent. Souvent, c'est beaucoup de la responsabilité de nos pays industrialisés pour les questions climatiques et économiques. Donc, nous sommes, par exemple, pour une réunion annuelle de l'ONU. C'est ce qui est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et ce que nous proposons. Et ça nous semble plus réaliste que ce qui est fait aujourd'hui. Pardon, Éric Coquerel. Lorsque vous avez expliqué toutes ces mesures, vous n'avez pas répondu précisément à la question est-ce que la France doit accueillir davantage de migrants qu'elle ne le fait aujourd'hui? Mais déjà qu'elle accueille. Je précise juste qu'aujourd'hui, le gouvernement écoute aussi l'opinion qui considère que la pression migratoire est trop forte en France. Vous savez comme moi que quand on n'arrête c'est pas ce que disent à de peu laisser près tous la les parole sondages. À des Zemmour qui sortent des chiffres qui non, sont... Non, là, il ne s'agit pas d'Éric Zemmour, il s'agit de la population française lorsqu'elle est interrogée. Je ne sais pas ce que... Moi, je sais une chose, par exemple, c'est qu'il y a quelques années, il y a une grande lutte de travailleurs sans papier. On a montré que les gens qui n'avaient pas de papier, en fait, ils vivaient une vie comme nous, ils travaillaient, etc. Et qu'au bout d'un moment, 70% des gens étaient pour régulariser parce qu'ils avaient compris que c'était une situation à la fois de régler le problème de ces gens-là et de ne pas, j'allais dire, faire une pression sur le travail en employant des gens qui n'avaient pas de papier. Donc, l'opinion, vous savez, je crois qu'il faut justement argumenter et convaincre. Et accueillir aujourd'hui, plus de migrants. Et accueillir plus de migrants. Question, c'est la déjà, question. C'est d'accueillir dignement ceux qui sont là aujourd'hui et dont nous savons que la très grande majorité ne repartiront pas. Et comme nous ne le faisons pas, nous créons les conditions qui fait que ça se termine, par exemple, par des noyés en Méditerranée ou en Manche, ou des situations totalement marginalisantes dans d'autres endroits, endroits. Mais vous ne répondez pas, néanmoins, à ce. Mais je réponds à la question qui nous est posée aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, aux frontières, vous n'avez pas des centaines de milliers de personnes. Ça arrive entre les pays du Sud. Ça, c'est une question à se poser. C'est pour ça qu'il faut le traiter au niveau international. Mais vous n'avez pas aujourd'hui une vague migratoire telle que ça déstabiliserait nos économies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez cité vous-même vos chiffres. Donc, regardons concrètement, pragmatiquement les choses et de manière humaine et réaliste, soit exactement l'inverse de ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Autre sujet du jour, Éric Coquerel, la lutte contre le Covid. Olivier Véran s'apprête à prendre la parole tout à l'heure. Il pourrait annoncer la généralisation de la troisième dose qui serait sinon obligatoire, recommandée, voire nécessaire pour obtenir un pass sanitaire. Est-ce que vous y êtes favorable? Non, je ne suis pas pour favorable. Quelle raison? Parce que je pense que là, on est en train de rentrer dans un pass sanitaire permanent. Il y aura une troisième dose, une quatrième dose. On voit bien qu'on est installé durablement dans le Covid, donc je crois qu'il faut toujours essayer plutôt de convaincre que contraindre, ne pas rentrer dans une société du contrôle généralisé dont on voit bien qu'il y a quand même la cinquième vague qui arrive malgré le fait qu'elle ait existé, remettre les tests gratuits, en finir avec ce genre de choses aberrantes qui fait qu'on n'est même plus capable, pour des gens qui ne sont pas vaccinés, de pouvoir se tester alors que c'est urgent. Voilà, il faut une politique qui, j'allais dire, s'appuie sur différents facteurs, différentes méthodes, et non pas des choses de contraintes qui ne marchent pas. Vous ne voyez aucun lien entre l'instauration du pass sanitaire en France et le fait, pardon, que la France ait, entre guillemets, de meilleurs chiffres que ses voisins, que les cas à l'hôpital, pour l'instant. N'explosent pas par rapport à celui des contaminations. Je souhaiterais le voir, mais moi, je viens de voir les chiffres que m'envoie le préfet du 93, Seine-Saint-Denis. Je crains bien que ça soit pour nous demain. Dans les personnes qui vont en réanimation, ce sont quand même majoritairement encore des personnes non vaccinées. Je suis pour le vaccin. Je pense qu'il faut convaincre. Je pense qu'il faut surtout faire en sorte que les personnes fragiles se vaccinent, un peu comme on a sur la question, puisque on a un côté saisonnier maintenant, manifestement, qui est en train de venir. Donc, que les personnes fragiles se vaccinent, qu'on permette les tests gratuits pour tout le monde, qu'on installe des purificateurs d'air et qu'on fasse un moratoire sur la fermeture des lits dans les hôpitaux. Parce que notre grande crainte, c'est que justement, à nouveau, les hôpitaux soient submergés. Ça me semblerait plus intelligent que, j'allais dire, mettre en place un pass sanitaire seulement, qui est problématique pour les libertés et qui, en plus, est une fausse sécurité. Parce que vous, comme moi, quand on a le pass sanitaire, on a tendance à enlever le masque. Et c'est pas pour autant qu'on contamine personne. La validité du test PCR qui passerait de 24... Qui passerait de 72 heures à 24 heures. Donc d'accord, donc on va encore limiter le fait de... Pour inciter encore une fois les gens à se faire vacciner. Oui, mais le problème, c'est que comme aujourd'hui, on est dans un système... C'est pas la meilleure arme. Les deux vaccins, la maladie continue, il y a des gens, ils ont besoin d'être convaincus. Donc tant que ces gens ne sont pas convaincus, je pense que c'est ça la méthode, c'est la méthode de l'OMS. C'est pas quelque chose qui est uniquement France Insoumise, c'est l'OMS qui conseille ça. Et en attendant, il faut absolument continuer à pouvoir déterminer les gens qui sont malades. Je pense que c'est notre meilleure sécurité. Donc arrêtons avec ces tests payant et a fortiori en les réduisant à 24 heures. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. terre où le ciel et la mer se ressemblent. Et vêtu de soleil et noyé de bleu tendre. Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait, elle et lui, comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent, des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel de ma patrie. % des gens guérissent. Non, je le confirme ce soir. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas. Le port du masque, ça ne sert à rien. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça a même un inconvénient. C'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. J'ai pris un arrêté, interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque totalement inutile pour toute personne dans la rue. En fait, ça ne sert à rien. Je ne sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Mais les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. On doit acheter des masques ou pas, soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le ministre l'a dit, mais je le redis, il n'y a pas de sujet de pénurie. On le dira beaucoup en point presse, qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. En fait, on a des stocks d'État, donc ils sont renouvelés, on les a. Faut arrêter de mentir aux Français. Je crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Il en va de même d'ailleurs pour la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avec qui je travaille très bien. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Je ne mens pas, monsieur. Vous ne dites pas que je mens. C'est n'importe quoi de dire un truc. N'importe quoi. Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi. Ils ont troqué leur colmar contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché caisse. Citoyens de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille. Le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col maro pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain un peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col maro et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasuble humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col maro pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. Ah, quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée, de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux cons. Notre enquête démarre en mai dernier, dans le Cotentin, près de Cherbourg, au pied de cette falaise, la centrale nucléaire de Flamanville. Ce matin-là, c'est l'effervescence sur la route qui conduit à la centrale. Une manifestation très rare en France, des salariés du nucléaire perturbent l'entrée du site. Ils osent faire grève pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Cédric Oulès travaille dans les zones les plus radioactives de la centrale. On va faire une petite quête pour leur donner des sous. Ouais, je le fais, je vous promets, je le fais, regardez. Tiens. Allez. Tiens, voilà. Mettez. On va donner des sous à la société pour qu'ils nous payent un peu plus cher. Oh là, je sais pas. Non, mais allez-y, allez. J'ai eu 5 centimes de 4 centimes d'augmentation, j'ai mis 5. Faut pas qu'ils nous les redonnent. Moi, je donne rien, j'ai eu une bulle. Donc, au retour, une bulle. Cédric Oulès interpelle l'un des responsables de sa société. J'ai eu 5 centimes d'augmentation comme ça, s'il te plaît. Cédric n'a été augmenté que de 5 centimes par heure. Il gagne 1700 euros brut. Ses salariés sont en colère. La majorité touche un salaire proche du SMIC. Tous travaillent dans les centrales nucléaires. Pourtant, ce ne sont pas des agents EDF. Ils sont salariés d'entreprises privées, sous-traitantes pour EDF. Ces hommes sont surnommés les invisibles. Ce sont eux qui sont envoyés pour des opérations de maintenance au plus près des rayonnements radioactifs. À l'intérieur des centrales se croisent des mécaniciens, des chaudronniers, des soudeurs. Parmi eux, ces hommes en combinaison rose. On les appelle les jumpers. Ils doivent pénétrer au cœur du générateur de vapeur, un secteur extrêmement radioactif. Ils ont seulement quelques minutes pour effectuer leur mission, sinon ils risquent la surdose. Pour intervenir dans les 19 centrales nucléaires dans toute la France, ils sont 20 000. Et le nucléaire est un des secteurs qui embauche le plus en ce moment. Sur son site internet, EDF annonce 10 000 recrutements d'ici l'année prochaine. Mais ce n'est pas EDF qui embauche directement, ce sont les centaines d'entreprises privées sous-traitantes. Le métier comporte des risques, alors pour attirer les jeunes, EDF a réalisé des petites vidéos rassurantes. Dans tous les métiers, il y a des risques. Que ce soit dans le nucléaire ou hors nucléaire, il y a toujours des consignes de sécurité à respecter. Le risque, il est identifié et il n'est pas caché. Si on applique à la lettre ce qui est demandé, normalement, il devrait pas avoir. Enfin, il n'y a pas de risque. Je vois pas où il y aurait des risques, quoi. Seulement sur le terrain, de plus en plus, ces sous-traitants de l'atome s'inquiètent pour leur santé. Des cas de cancer viennent d'être reconnus chez certains de leurs collègues. C'est pas nous, c'est pas nous. Et ça vaut pas le coup de se faire cramer par les rayons gamma, tout ça. C'est comme l'amiante. À l'époque, il n'y avait pas de risque. Et maintenant, il y a des risques. Donc le nucléaire, on ne sait pas les risques qu'il y a exactement. On ne sait pas le recul qu'il y a au niveau des années, s'il y a des maladies qui vont sortir ou pas. On ne lâchera rien et on sera là de 8h jusqu'à... Quelles sont les conditions de travail de ces salariés de la sous-traitance? Risquent-ils leur santé? La maintenance des réacteurs est-elle efficace? Plongée dans l'univers des centrales nucléaires françaises. Cédric Houlès a 37 ans. Son métier dans les centrales, il isole les tuyauteries dans le bâtiment réacteur. Sa société privée l'envoie travailler dans toute la France en fonction des contrats de maintenance avec EDF. Il doit parcourir des dizaines de milliers de kilomètres pour aller de centrale en centrale. Quand il est loin de chez lui, il reçoit 70 euros d'indemnité par jour pour payer son logement, ses repas et son essence. Alors avec un budget aussi mince, pas question d'aller à l'hôtel. Il loue ce gîte avec 6 autres prestataires comme lui. Il n'y a que 2 chambres, il partage celle de l'étage avec ses 2 collègues. Comment vous logez là? Là on loge, vous voyez, mes camarades sont sur le lit à deux, et puis moi je prends mon petit matelas individuel et puis je prépare mon petit lit d'oeillet, comme un camping. Ça vous dérange pas de dormir à 2 dans le même lit? Ouais, moi j'ai repris ma couverture comme ça, puis je tourne comme ça, mais j'ai... Oui, ça dérange, mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Je préfère être tout seul à l'hôtel, mais l'hôtel, c'est quoi? C'est minimum 36 euros, 40 euros. Comme vraiment le camping. En ce moment, Cédric Houlès travaille à 600 km de chez lui. Il ne rentre qu'un week-end sur 3, voir sa femme et ses 2 enfants. Pendant plusieurs semaines, nous avons tenté de rencontrer les responsables de la société de Cédric, le groupe Kafer-Wanner, l'un des plus importants sous-traitants d'EDF. Nous, on n'est pas des grands communicateurs vis-à-vis des médias. Donc nous, on avait simplement validé ensemble de discuter de ce sujet précis en comité de direction du 2 février. Mais finalement, le groupe refusera l'interview. Aucune des grandes sociétés de sous-traitance d'EDF ne va accepter de nous recevoir. Ah, il y a une réponse négative qui a été apportée, on ne donne pas suite, quoi. Voilà. Et vous pouvez lui écrire si vous voulez, c'est pour quand votre reportage? On a indiqué qu'on ne souhaitait pas, malheureusement, apporter de réponse, quoi, favorable, quoi. On a d'autres choses sur le feu et on n'a pas de temps à mobiliser là-dessus, quoi. Toutes refusent de nous expliquer leur contrat avec EDF, car pour obtenir les marchés de maintenance, la concurrence est forte entre les grands groupes privés. C'est très, très, très rude. Tout le monde se tient. Tout le monde fait un petit peu la guerre. On n'est pas beaucoup, on n'est que 5. Hein. Mais c'est un peu la guerre. Alors, comment se passe la maintenance à l'intérieur des centrales? Les plus vieilles ont été construites il y a plus de 30 ans. Certaines se situent aussi dans des zones de risque de tremblement de terre, comme la centrale de Fessenheim. Direction l'Alsace. Fessenheim, c'est la plus ancienne centrale nucléaire de France. Elle a été mise en service il y a 34 ans. Elle est située sur une zone à risque sismique modéré. Mais EDF affirme qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité de l'installation. EDF nous a autorisé à filmer à l'intérieur. C'était avant le tremblement de terre au Japon. Nous avons tourné pendant une importante opération de maintenance. Visite guidée, très encadrée, par le directeur de la centrale. C'est la salle de commande, donc c'est le poste de pilotage de l'unité de production 1. Pendant 3 mois, la centrale est à l'arrêt. Attention, hein. EDF profite de ces arrêts pour faire le grand ménage de printemps. Toutes les machines sont vérifiées. Cette turbine a été entièrement démontée. Bonjour. Jusqu'aux écrous. Ça va bien ? Là, vous avez les écrous, là, qui ont été démontés, nettoyés, hein, qui seront utilisés pour le remontage de la turbine qui est en cours. Hein. Ce ne sont donc pas des agents d'EDF qui assurent cette maintenance, mais des salariés d'Alstom, un important sous-traitant. Le directeur de la centrale, comme la direction d'EDF, assume parfaitement ce choix du privé. Dans des phases comme celle-là, la proportion, c'est de l'ordre de 80% des activités sont réalisées par les prestataires, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une centaine d'entreprises. Hein, vous voyez bien le volume d'activité. On a un pic d'activité qui est, je dirais, colossal, hein, puisqu'on va intervenir plus de 17 000 activités pendant 3 mois. Donc on comprend bien que ce n'est pas avec uniquement les agents présents toute l'année à la centrale qu'on peut réaliser ces opérations. En ce moment, il y a donc 1500 salariés des prestataires privés dans la centrale. Les règles de sécurité sont les mêmes pour tous les employés, qu'ils soient agents d'EDF ou prestataires privés. Ils sont tous obligés de porter un dosimètre. Cet appareil enregistre le taux de radioactivité. Les rayonnements peuvent irradier le corps et risquent de provoquer des cancers. On va dans le bâtiment réacteur. On vous suit. À présent, nous sommes accompagnés par la chargée de communication. En dessous de nous, vous avez la cuve du réacteur et les 3 générateurs de vapeur autour de nous. Pendant les travaux, l'uranium a été retiré de la cuve du réacteur, le cœur de la centrale, pour être déposé ici, dans les alvéoles de cette piscine. Conformément aux règles de radioprotection, nous allons contrôler nos mains et nos pieds. Des poussières radioactives peuvent se coller aux vêtements ou aux chaussures qu'il faut contrôler plusieurs fois par jour. Entre maintenant et la sortie du site, nous allons avoir 3 contrôles de radioprotection. La contamination peut aussi pénétrer à l'intérieur du corps. Chaque employé doit passer par plusieurs portiques pour détecter s'il n'a pas été contaminé. Les résultats sont communiqués en toute transparence à chaque employé et au médecin du travail. Devant notre caméra, le directeur reconnaît que ce sont les prestataires privés qui prennent le plus de doses radioactives dans la centrale. C'est quand même eux qui en prennent toujours le plus. Parce que l'activité de maintenance, elle est dosante, elle est faite à l'occasion des arrêts de tranche. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un pic d'activité au moment des arrêts de tranche. Et donc, effectivement, c'est l'ensemble des intervenants qui sont exposés, qui sont en zone contrôlée, qui prennent ces doses. Et effectivement, il y a plus de salariés prestataires qui interviennent que d'argent EDF directement sur l'installation, sur les chantiers. Mais encore une fois, cette dosimétrie, elle a été divisée par 2 en 10 ans, ce qui est un score tout à fait remarquable. Effectivement, les doses de contamination radioactive ont été réduites grâce au renforcement des règles de sécurité. Mais que se passe-t-il lorsqu'un employé d'une compagnie privée dépasse la dose maximale de radioactivité ? C'est l'épreuve qui est arrivée à Cédric Houlès. C'est lui qui menait la grève des prestataires privés à la centrale de Flamanville. Il nous reçoit chez lui avec un collègue. Zone rouge. Pour l'instant, il ne peut plus travailler dans la partie la plus dangereuse des centrales nucléaires, car il a justement dépassé le seuil. Est-ce que vous savez où vous en êtes aujourd'hui en dose de radioactivité ? Je suis arrivé à 16 sur une période de exactement 9 mois. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai plus le droit d'aller en zone contrôlée. Je ne peux travailler en centrale qu'en salle des machines. Et plus dans le bâtiment réacteur. En 9 mois, Cédric a pris 16 millisieverts. C'est la dose maximale admise par sa société qui respecte scrupuleusement les normes. Donc sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, Oui, c'est la première fois que je prends autant de doses en si peu de temps. Ça vous inquiète un peu, quelquefois, toutes ces doses ? Bah, ça m'inquiète un peu, oui et non, puisque on ne sait toujours pas ce que ça nous fera à la fin de notre vie. Cédric Oulès travaille dans les centrales nucléaires depuis 7 ans. Dans toute la France, de nombreux sous-traitants s'inquiètent aussi pour leur santé. C'est le cas d'Yvon Laurent. Il est décontamineur depuis 30 ans. Lui aussi est un nomade du nucléaire. Il se déplace de centrale en centrale pour 1700 euros bruts par mois. Voilà, donc j'arrive sur la centrale de Civaux. Les gens aux alentours le savent, ils disaient, tiens, hop, il y a un arrêt de tranche sur la centrale puisqu'on ne voit pas la vapeur d'eau. L'un des réacteurs de la centrale de Civaux, dans la Vienne, est à l'arrêt. Yvon Laurent va intervenir pour une opération de maintenance. Mais nous ne pouvons pas le suivre à l'intérieur du site. Au loin, vous voyez les deux dômes de couleur beige qui sont entre les deux tours. C'est là où ça crache le plus, qui a le plus de radioactivité, de contamination. Et voilà, donc c'est ces dômes-là. C'est le cœur de l'acteur. C'est là où il y a l'uranium principalement. Et là, je fais divers travaux, donc celui de plus important, de décontamineur. Ça veut dire quoi, être décontamineur ? Décontamineur, ça consiste à enlever, comme le mot l'indique, la contamination qu'on peut trouver soit au sol, soit dans l'air. Quoi. Cette contamination, pour vous en protéger, vous mettez une tenue mururoa, qu'on appelle. C'est un genre de tenue gonflable, genre un scaphandrier, où on travaille comme ça, relié avec un boyau d'air et bien sûr hermétique. Ces combinaisons hermétiques sont fournies par EDF. Chaque employé est relié par un tuyau à un caisson d'oxygène. Le but, c'est de surtout ne pas respirer les particules radioactives qu'il y a dans l'air et de vous protéger pour ne pas, bien sûr, effectivement, en avaler. Vous, ça vous est arrivé de respirer, de faire rentrer à l'intérieur de votre corps des poussières radioactives ? Oui, bien sûr, oui, ça m'est arrivé il y a des années, oui. C'est m'est arrivé à moi et puis à de nombreux autres collègues. Oui. Donc on la détecte à la sortie par un appareil spécial et là, dans notre jargon, on dit « on a mangé ». Yvon Laurent ne souffre d'aucune maladie, mais il s'inquiète des doses à répétition qu'il a subies tout au long de sa carrière. On se pose des questions maintenant, à l'âge de 51 ans, des effets que peuvent avoir les risques qu'on a subis, quoi, tant les radiations et la contamination. C'est-à-dire, quel genre d'effet vous pensez à quoi ? Je pense à mes collègues qui attrapent des cancers. Des collègues comme René Guyot. Il a travaillé dans les centrales nucléaires de Normandie pendant près de 20 ans, notamment dans celle de Paluel. Sous ce dôme, ce réacteur, j'ai pris pas mal de doses de radioactivité. Est-ce qu'au début de votre carrière dans les centrales nucléaires, vous étiez conscient du danger pour vous ? Non, j'étais pas conscient. Pas du tout. De savoir les conséquences que ça pouvait attribuer par la suite. Vos employeurs ne vous parlaient pas de la radioactivité, des contaminations radioactives ? Ah non, pas du tout. En 2003, alors que René Guyot s'apprêtait à fêter son départ à la retraite, il apprend qu'il a un cancer de la vessie. Quand est-ce que vous vous êtes dit que c'est peut-être dû à mon travail hein ? Ça, on y pense aussitôt, pratiquement. Durant sa carrière, René Guyot a subi plusieurs contaminations, et il peut le prouver. Alors il a alerté la Sécurité sociale pour tenter de faire reconnaître son cancer en maladie professionnelle. Sur cette attestation, son médecin du travail écrit « Cette lésion pourrait être d'origine professionnelle. » Mais officiellement, pour la Sécurité sociale, seuls 3 cancers seraient provoqués par la radioactivité. Une leucémie, un cancer du poumon et un sarcome osseux. Pas le cancer de la vessie, dont souffre René Guyot. Monsieur Guyot, comment vous pouvez prouver que votre cancer de la vessie vient bien du fait que vous ayez travaillé dans les centrales nucléaires ? Le prouver... Je ne peux même pas le prouver personnellement, vous voyez, parce qu'ils peuvent trouver toujours quelque chose à droite ou à gauche, ça peut venir des aliments, hein, de la boisson contaminée ou que j'aurais pu... C'est important d'avoir une reconnaissance, moi, oui. Je trouve. Hein? c'est important d'avoir une reconnaissance parce que bon, pour moi, ils t'ont envoyé au chalet. Ils t'ont envoyé là-bas en connaissance de cause. Oui. Et toi, tu ne t'es pas conscient de ça. À Paris, nous rencontrons un autre malade du nucléaire. Lui a réussi à faire reconnaître sa maladie, un cancer du poumon qui fait bien partie des trois maladies reconnues par la Sécurité sociale. Nous l'appellerons Thierry, il ne veut pas être reconnu par son employeur, sous-traitant d'EDF. Il a 56 ans, il a subi une lourde opération qu'il tient à nous montrer. Je souffre beaucoup, quand je marche je suis vraiment essoufflé. Puis bon, là, j'ai un traitement par rapport à la douleur, à base de morphine, voilà. Il était décontamineur. Pendant 30 ans, il a reçu des doses impressionnantes de rayonnement, 15 fois plus que ce que reçoit en moyenne un agent EDF sur toute une carrière. J'ai pris 315 millisieverts. Et vous le saviez que vous étiez beaucoup exposé ? On n'avait pas le choix, hein. L'employeur nous disait c'est ça ou la porte, hein. Ça nous faisait comprendre. Alors nous, on ne disait rien parce que je voulais avoir un salaire à la fin du mois. C'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix. On nous faisait comprendre, vous n'êtes pas content, monsieur. Hop, il y a la porte est grande ouverte. Ça, ils savaient le dire. Voilà. Thierry vient de porter plainte contre sa société pour tenter d'obtenir réparation. La colère monte chez les employés des sous-traitants d'EDF. Ce jour-là, à Dieppe, un petit groupe a décidé d'alerter l'opinion. Ils s'invitent dans une réunion publique où des responsables d'EDF viennent présenter la nouvelle génération de centrales nucléaires, appelée EPR. Je suis là pour dire toute la vérité, ce qui se passe à l'intérieur de nos centrales, ce qu'on subit, que ça soit le stress, que ça soit les contaminations internes, et expliquer aux gens un peu le vrai risque du nucléaire à l'intérieur. Les prestataires veulent interpeller les représentants d'EDF. Oui, bonjour, Philippe Billard, salarié de la sous-traitance du nucléaire, un invisible qui subit avec mes collègues 80% de toutes les expositions liées au rayonnement ionisant dans les centrales nucléaires. On est simplement de simples salariés qui avons envie d'être reconnus, d'être suivis médicalement, d'obtenir un statut. Et on en a marre d'être les vaches à lait de ces grands groupes. La santé des salariés de la sous-traitance, ils en ont rien à foutre. Quand vous mettez le doigt sur un interrupteur, pensez qu'un salarié de la sous-traitance est en train de souffrir derrière. Merci. Les conditions d'intervention, les conditions par exemple de suivi médical pour notre personnel sous-traitant sont les mêmes. J'insiste, sont les mêmes. Menteur. Sont les mêmes. Ce n'est pas vrai. On n'a pas de son dossier. On n'a pas de son dossier médical. Vous êtes un menteur. Le dialogue est difficile. La santé des salariés du privé dans les centrales nucléaires en France est-elle en danger? Au siège de la production d'EDF, en région parisienne, nous rencontrons l'un des directeurs du parc nucléaire français. Nous avons divisé par deux, les doses intégrées par tous ceux qui interviennent dans les centrales en une douzaine d'années. Donc nous faisons des efforts tous les jours pour réduire le risque. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est impossible qu'un salarié déclare un cancer au bout de plusieurs années? Aujourd'hui la vraie question c'est est-ce qu'on fait tout pour que le risque soit maîtrisé et pour que le risque soit réduit? Enfin, moi ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque de cancer chez les salariés? Aujourd'hui il y a des réglementations au niveau de la France, au niveau de l'Europe, par exemple sur le domaine de la prévention. Mais je sais que vous respectez la loi, des réglementations, tout ça, mais est-ce que ça empêche de développer une maladie un jour? Vous savez, le domaine des maladies professionnelles, il est ce qu'il est. Donc, je crois que la responsabilité de l'employeur et la responsabilité d'EDF en tant qu'employeur, mais également en tant que donneur d'ordre à des prestataires, c'est de faire en sorte que sur ces installations, toutes les précautions soient prises et qu'on prenne, je dirais qu'on améliore tous les jours la prévention et surtout que le suivi médical soit optimum pour tous les salariés. EDF applique la norme européenne de dose maximale de radioactivité. Elle est fixée à 20 millisieverts par an pour chaque employé dans ses centrales. Pourtant, des études scientifiques internationales montrent que même à cette dose, il y a des dangers pour la santé. Annie Thébaumoni est chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En dessous de 20 millisieverts par an, il y a des risques. Il y a des risques de cancer. l'ensemble des études en toxicologie et en épidémiologie, que ce soit des équipes nord-américaines ou européennes, le montrent. Le risque de cancer démarre dès l'irradiation. Est-ce que vous êtes inquiète par rapport à la santé des sous-traitants dans les années qui viennent ? Pour moi, c'est probablement une affaire du même ordre que celle de l'amiante. C'est-à-dire, 30 ans après le début de l'exposition, on va voir une épidémie de cancer. Pour assurer la maintenance des 58 réacteurs nucléaires des 19 centrales en France, les sous-traitants d'EDF ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Une grande campagne a été lancée pour recruter 10 000 prestataires privés. Comment les recruteurs de ces sous-traitants expliquent-ils aux candidats les risques de contamination ? Équipé d'une caméra cachée, un de nos collaborateurs va postuler dans différentes agences spécialisées. Et je cherche un travail dans le nucléaire. Vous voulez savoir si c'était dangereux ou pas comme boulot ? Non, pas de souci. Oui, parce qu'en fait, j'entendais parler de doses, vous comprenez, etc. On prend toujours un minimum de doses, mais à savoir, voilà, vous êtes à la plage, vous êtes en plein soleil, vous prenez de la dose. Mais c'est minime, hein, franchement, ce que vous allez prendre. C'est dangereux comme... Du tout. J'entendais parler de doses, qu'on prend, etc. Ah non, on prend... Il y en a qui prennent de la dose. Mais les gens qui regardent leur écran de télé à moins de 2 mètres se prennent beaucoup plus de dosimétrie que sur le site nucléaire. Ces recruteurs sont mal informés. Ni le soleil, ni un téléviseur n'émettent de rayonnement radioactif. Bah moi, personnellement, par exemple, pour vous donner une idée, je préfère déléguer une personne sur centrale nucléaire que dans les entreprises à côté. Pourquoi ? Parce que sur centrale nucléaire, tout est cadré. Tout est archi-limité, tout est sécurisé. Enfin, je veux dire, il y en a quand j'ai foutu les pieds dans une centrale, ils ont un cancer pareil, quoi. Donc le nucléaire ne rend pas malade. Voilà. Ça peut vous rassurer, vous ne ferez pas pipi fluo, il n'y a pas de choses bizarres comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, bah c'est le... La communication sur les risques dans les centrales nucléaires semble mal passée. Hop là. Au terme de notre enquête, nous retournons voir Cédric Oulès et ses collègues. Nous voulons leur montrer la fameuse campagne de recrutement lancée sur le site internet d'EDF. Nous avons trouvé un étonnant film publicitaire pour attirer les candidats. Les copines de Salima ? Oui. L'intrigue se passe dans une boîte de nuit. Léa ! Moi, c'est José. Et sinon, tu travailles dans quoi ? Moi, je vais être embauché dans le nucléaire ! C'est Le titre du film, c'est « Travailler dans le nucléaire, ça peut rendre sexy ». Ça vous rend pas sexy alors ? Non, je pense pas qu'on est plus sexy, voilà, sûrement pas. Non, c'est pas possible qu'on soit plus sexy parce que je vais vous dire pourquoi. Je suis rentré, je faisais 85 kilos dans le nucléaire et maintenant j'en fais 100, donc ma femme me dit plus que je suis sexy. C'est vrai que ça grossit. Hein. On grossit, on est toujours en dépassement. On mange pas normalement, on mange pas équilibré. D'accord. Comment vous voulez qu'on soit sexy ? Vas-y, amène tes gaz, amène ta noge. Cédric, Kevin et Damien poursuivent leur mission de nomades dans les centrales nucléaires. Du jour au lendemain, ils peuvent être appelés dans une autre centrale à des centaines de kilomètres pour des salaires à peine plus élevés que le SMIC. La presse. Frénésie de sondage. À 5 mois de l'élection présidentielle, il ne s'écoule pas un jour, ou presque, sans un nouveau sondage censé révéler l'état de l'opinion française. Le paradoxe est que les sondages sont à ce stade à la fois sans grande valeur, mais très influents sur le déroulement de la campagne. Bon. 3 ans ferme en appel pour l'ancien haut magistrat nancéen. 3 ans ferme en appel pour l'ancien haut magistrat nancéen. Jugé et relaxé en 2019 dans l'affaire de l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais. Pierre Estoupe, 95 ans, cet ancien premier président de la Cour d'appel de Nancy, ancien président de la Cour d'appel de Nancy, qui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008 à Bernard Tapie, a écopé ce mercredi de 3 ans ferme pour escroquerie. Alors 95 plus 3, quand il sortira, il aura 98 ans. Bon, ouais, enfin on sait pas, hein. On sait pas. Y a-t-il l'équivalent de 100 piscines de déchets enterrées à Bure? Ah non, c'est pas à Bure. Oh non, c'est à Vittel contre Aix-et-Ville. Eh oui, il s'agit pas de déchets radioactifs, il s'agit de matières plastiques, de bouteilles en plastique, de bouteilles en PVC, polychlorure de vinyle. Alors comme on sait que le chlore était interdit, le PVC était interdit normalement depuis une bonne quinzaine d'années en France, puis on a continué à en fabriquer, on a continué à l'utiliser, on a fait comme si. Voilà. Alors 42 000. La décharge de T sous Montfort est évaluée à 42 000 mètres cubes. 42 000 mètres cubes de PVC mis dans la nature par des gens qui nous vendent de l'eau minérale, qui est censée être bonne pour la santé. À condition qu'elle séjourne pas trop longtemps dans une bouteille en PVC. On est difficile quand même, on regarde tout le temps les détails, hein. Ah oui. On n'est pas facile à gouverner, hein. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins qui font de la politique, parce que c'est trop difficile, les électeurs sont trop exigeants. Emploi, l'heure est à la mobilisation générale. Ah, Grand Est. Jean Rottner a lancé la mobilisation générale pour l'emploi dans le Grand Est vendredi depuis le centre des congrès Robert Schuman de Metz, en présence d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. En attendant de sonner la charge. Oui. Emploi, l'heure est à la mobilisation générale. Eh ben, on verra le résultat, hein. La ministre du Travail face aux lecteurs et acteurs de terrain. Voilà. Et aux électeurs. Ah oui, elle est face aux électeurs aussi. Eh oui. Ben oui. Ces gens-là, les politiques qui sont face aux électeurs. Les électeurs les élisent, les choisissent, les élisent. Par défaut, souvent. Et puis après, à la prochaine élection, ils peuvent les licencier sans aucune indemnité, hein. Ah ben quand même. Voilà. Alors, libraire à Metz, Julie Rémy a dressé le tableau d'un centre-ville qui perd de sa moelle, subit une lente hémorragie, tandis que le commerce de périphérie aspire toute l'énergie humaine et économique. Le Luxembourg en question. Le voisin, le Grand-Duché de Luxembourg. Alors, de l'autre côté de la frontière, il y a des transports gratuits pour inciter les gens à ne pas utiliser leur voiture. La ministre a reconnu des attentes et des obligations de résultats. Je ne vous lis pas la totalité de l'article, ça serait trop long. J'ai peu de temps à ma disposition. Je vous lis simplement des extraits, ce que je pense qui est le plus utile, le plus important. Hein. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est la bourse. La bourse. Alors, quelles sont les actions qui sont à la hausse? Eh bien, Capgemini, plus 57%. CNP Assurance, plus 63%. Dassault Systèmes, plus 59%. Ensuite, Sartorius, Stead Bio, plus 76%. Sartorius, Stead Bio. Ils font des médicaments? Ils font des vaccins, non? Non? Ben, en tout cas, il faut des bénéfices, parce que l'action, elle a monté de 76%. Ensuite, Valneva. Alors, eux, c'est le champion. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Mais, plus 235% d'augmentation. Hein, 235% d'augmentation de l'action. Hein? Imaginez votre fortune, votre tirelire, vous comptez la tirelire sur le coin de la table de la cuisine, et puis vous multipliez par 235%. Eh ben, vous la riche. Virbac, plus 70,80%. Bon, je vous fais grâce des autres, hein, mais voilà. Alors, les ailes de cristal. Alors, les ailes, c'est bien les ailes, ça permet de s'envoler. Le cristal, c'est bien parce que c'est beau en général. Ah oui, s'il est bien moulé, bien taillé, bien poli, bien façonné, le cristal est quelque chose de beau. Maintenant, des ailes de cristal. Imaginez-vous, on vous donne des ailes de cristal et on vous dit, allez, envole-toi. Eh ben, oui, le cristal, c'est lourd, hein. Donc, pour voler, c'est pas trop pratique. Et puis surtout, c'est très fragile. Des ailes de cristal, pour les politiques, c'est peut-être pas une bonne idée quand même, hein. Alors, les trophées des entreprises Lorraine. Voilà. Alors, Business Act Grand Est. Alors, j'ai marqué à côté, moi, un élu français parle en français. Business Act, c'est pas du français. Eh oui. Alors, Business Act, c'est une expression utilisée dans le titre, en grand. Alors, c'est utilisé 7 ou 8 fois. Alors, il y a aussi Masterclass. Hein, Masterclass. Oui, monsieur Rotner, le président de la région Grand Est. Hein, oui. voilà. Gau-Westland. Voilà, il parle beaucoup en anglais, apparemment. En tout cas, le journaliste qui a écrit l'article en son nom utilise beaucoup l'anglais. Hein. 1000 acteurs socio-économiques de la région impliqués dans une démarche co-construction avec l'État et la région Grand Est. Alors la Lorraine, on savait ce que ça voulait dire, l'Alsace aussi, la Champagne aussi, Grand Est, ça fait administratif dans le mauvais sens du terme. Ariège, l'ours a été tué dans une zone interdite à la chasse. Bon. Religion, l'archevêque de Paris démissionne. Ah oui, parce qu'on a trouvé qu'il avait eu des relations avec une dame, mais on s'en fout, ça nous regarde pas. Oh, ça regarde à peine l'église, ça regarde lui et puis la dame, et puis c'est tout. Hein, et à qui est-ce que ça peut, hein? Alors, Italie, amende de 20 millions contre Google et Apple. Tiens. Bélarus, plus de 800 Irakiens seront rapatriés. Ah ben, ils seront bien accueillis en rentrant dans leur pays, c'est sûr, hein. On leur rend service. Oui. Il faudrait résoudre le problème de l'immigration à la source. C'est-à-dire résoudre les problèmes qui font que des gens n'ont plus qu'une chose à faire, c'est fuir leur pays. Hein. Quand on rend les gens tellement malheureux qu'ils doivent partir, eh bien ils partent. Eh bien sûr, oui. Alors il faut, si on veut résoudre le problème de l'immigration, eh bien il faut poser le problème à la source. Avant que les gens ne partent, il faut leur donner une vie telle qu'ils ont envie de rester. Voilà. Hein. Pas leur empoisonner la vie. Suisse, le forum de Davos se ferme au grand public. Le fric devient dangereux. Le forum économique mondial, WEF, qui réunit tous les ans à Davos en Suisse des décideurs économiques et politiques de la planète, a annulé le volet ouvert au public de la réunion en raison de menaces de mort. Ah bon? Nicolas Hulot accusé de viol. Eh ben. Calais, migrants, ça se crispe entre Londres et Paris. Ah oui, les deux présidents, enfin le premier ministre anglais et le président français se font face à face. Apparemment, ils sont pas l'air d'être trop contents. Surtout le nôtre, l'autre, il est moqueur. Hein. Le variant Omicron sème la panique. Alors, Omicron, tiens, est-ce que c'est de l'anglais, Omicron? Ben, il y en a un qui m'a dit que c'était peut-être du grec. Ah, bon. On parle plus anglais dans les radios, les télés libres, dans les journaux, etc. On parlerait le grec maintenant. Pourquoi pas le latin, du coup, tant qu'on y est, hein? Ah oui. La découverte d'un nouveau mutant du SARS-CoV-2, baptisé Omicron, a conduit de nombreux pays à couper les ponts avec l'Afrique australe. L'OMS estime qu'il faudra 2 semaines pour en savoir plus sur la dangerosité de cette nouvelle souche sud-africaine. La plupart des pays d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Amérique ont suspendu les vols vers l'Afrique australe. Voilà, ben on verra la suite, hein, oui. Faux passe sanitaire. Un médecin mis en examen. Un médecin du Val-de-Marne, soupçonné d'avoir vendu au moins 220 faux passes sanitaires, a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi soir, a indiqué vendredi le parquet de Créteil. Une vingtaine de clients écopent d'amendes allant de 800 à 1500 euros, d'après une source proche du dossier. Oh, ça coûte cher la Covid, de plus en plus cher la Covid. En Belgique, premier cas européen du variant Omicron. Anti-française, report de l'obligation vaccinale des soignants. Avoir des enfants en bas âge ou scolarisés en primaire accroît le risque d'être contaminé par le variant Delta. L'école, un risque pour les parents. Ah, ah, voilà. Alors là, il y aura des propositions à faire, mais bon, ce sera pour une autre fois. Bure, 3695 hectares d'opérations d'intérêt national. Le gouvernement envisage de transformer une zone de 3695 hectares en opération d'intérêt national, OIN, sur un périmètre correspondant au projet souterrain CIGEO de stockage des déchets nucléaires près de Bure. Les collectivités sont consultées, les opposants s'insurgent. Un recours au Conseil d'État a d'ailleurs été déposé par le réseau Sortir du nucléaire. Alors il y a un moyen de ne pas stocker des centaines de tonnes ou des milliers de tonnes de matières radioactives dans le sous-sol de Bure, c'est-à-dire quasiment sous nos pieds, hein, parce que quelques centaines de mètres de roche pour la radioactivité, c'est pas un problème, hein, y a des fissures, bon, voilà, ben, ça arrive toujours à passer. Si l'air, si les gaz, si l'eau arrive à passer, la radioactivité passera avec, hein, ah oui. Bon, mais ça sera pour nous, bien sûr, mais surtout pour les générations futures. Alors nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous maudirons. Eh oui, bien sûr, ben, ils auront raison. Malgré l'opposition ou l'abstention de 8 membres du groupe majoritaire de gauche, les élus moïsiens ont donné un avis favorable tout en demandant à voir le département intégré dans la gouvernance. Oui, ben c'est ça. Non, mais ce qu'il faut faire, les matériaux radioactifs, faut pas les stocker tous au même endroit. Ce qu'il faut, les répartir entre les différents départements, et chaque département répartit en fonction de sa population, dans les communes, les matières en question. Comme ça, elles seront dispersées, il y aura des plus petites quantités à stocker. Alors, ben, il faudra choisir les endroits, ben, évidemment, loin des rivières, loin des lacs, loin des étangs, loin des sources. Le conseil municipal de commune décidera, hein, où on met les matières radioactives. Parce que l'électricité nucléaire, ça fait 50 ans quasiment qu'on en profite tous. Alors, les déchets, eh ben, il faut les répartir équitablement entre tous les utilisateurs de l'électricité. Eh oui, bientôt une école de formation textile unique dans le Grand Est. Voilà. Alors, peut-être au lycée Camille Claudel. Ce lycée Camille Claudel est une aubaine. Sa filière d'excellence et métier de la pierre fait déjà parler d'elle. Et l'établissement est doté d'un internat et d'un réfectoire. Voilà. Donc c'est au lycée professionnel Camille Claudel de Remiremont que l'école de formation textile, unique dans le Grand Est, devrait ouvrir d'ici la fin 2023. Bravo nos élus, députés, sénateurs, maires, conseillers, ceci, conseillers cela. Bravo, très bien, très très bien. Moi, je vous applaudis des deux mains. Oiseaux Nature. 40 ans de veille. L'association Oiseaux Nature, fondée en 1980 dans les Vosges, vient de fêter ses 40 ans avec près de 500 adhérents et de nombreux lanceurs d'alerte. Elle est aujourd'hui l'une des associations environnementales les plus importantes de la région. Et si vous adoptiez un blob? Un blob, B-L-O-B. Entendez par là un être unicellulaire qui ressemble plus à une moisissure qu'à un animal de compagnie. Et pourtant, Physarum polycéphalum passionne par ses incroyables capacités. Il double de volume chaque jour, rapporte Audrey Dussutour. Dans certaines circonstances, humidité, température, etc., c'est plus compliqué, hein, biologiste, chargé de recherche au CNRS et spécialiste du blob. Alors, elle est passée à la télé il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez eu l'émission, c'était très, très intéressant ce qu'elle racontait, ce qu'elle montrait. Hein, des expériences, oui. Il s'agit d'étudier les effets du réchauffement climatique sur le globe en l'exposant à la chaleur qu'il supporte mal, et d'observer sa réaction en fonction de différentes amplitudes de température, explique Audrey Dussutour. C'est une façon de donner aux enfants goût à la science et de collaborer à une véritable étude jusqu'à la publication d'un article. C'est également un excellent moyen de sensibiliser toute la famille aux enjeux environnementaux, car nous aussi sommes sensibles à l'excès de chaleur. Les blobs seront distribués gratuitement et il faut compter environ une heure de travail par jour sur une durée minimale de 5 jours. En pratique, il suffit de suivre les instructions qui seront données et d'envoyer une photo de votre blob jusqu'au 30 novembre sur cnrs.fr/fr/cnrs-info/derrière-le-blob-la-recherche-une-expérience-2-science-participative-du-crs. Voilà, alors donc si vous êtes volontaire pour participer à cette expérience-là, il faudrait à peu près 10 000 volontaires, voilà, vous avez l'adresse maintenant. Hein, vous tapez CNRS et puis ils vous donneront le complément de l'adresse, parce que là, l'adresse sur mon papier, elle tient toute une ligne. Hein. C'est difficile de la retenir par cœur comme ça. Alors, Saint-Nabord, 1 kilomètre de guirlandes électriques pour les fêtes. Eh ben voilà, Saint-Nicolas, Père Noël vont être bien fêtés. C'est bien. Le Val d'Ajol, les écoliers assistent à l'abattage d'un arbre. Ouais, c'est bien. Troisième dose. Port du masque, les Vosges à l'heure de la 5e vague. Voilà, ouais. Et puis, bon, bah oui, 5e vague, hein, on verra, hein. 1500 passeurs ont été arrêtés par les autorités françaises depuis le 1er janvier 2021, affirme le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. 1500 passeurs, ils ont arrêté. Rendez compte un peu, hein, 1500 passeurs. Et ces 1500 passeurs, ils ont fait passer combien de personnes chacun? Que fuient ces gens? Aujourd'hui, les migrations sont des flux mixtes, les crises politiques, et les conflits sont des raisons de départ. D'autres sont la recherche d'un avenir économique plus favorable, de métiers, d'études. La plupart des déplacements se font d'ailleurs vers les pays voisins, et l'Europe n'accueille qu'une petite partie de ces flux. Mais c'est un problème pour tous les pays d'Europe de voir comment faire le partage entre la migration économique et la migration d'asile. Voilà, ouais. Ben nous on a des chômeurs et puis on accueille d'autres chômeurs encore qui viennent s'ajouter à nos chômeurs et ça fait encore plus de chômeurs, on s'enrichit en chômeurs. Voilà, hein. Non, moi je pense que le mieux ça serait quand même de négocier avec les pays d'origine de ces gens-là pour que ces pays-là leur donnent une vie intéressante, qu'ils aient envie de rester dans leur pays, parce qu'ils ont envie de rester dans leur pays. S'ils s'en vont, c'est parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils ne peuvent plus supporter les conditions qu'on leur fait. Hein. Présidentielle 2022, Philippe Juvin, le médecin. Alors, il déclare, entre autres, hein, je ne veux pas lire tout l'article, « Je fais de la politique comme je fais de la médecine. ". Je dis la vérité. » Bon, puisqu'on est dans la médecine, la science... voyons voir, Science et Vie. Science et Vie, numéro 1251 de décembre 2021, à la page 44. On va se contenter du titre, juste un peu plus. Le travail cause chaque année près de 2 millions de décès. C'est pas le journal d'un syndicat, c'est un journal de science et société. Le travail cause chaque année près de 2 millions de décès. En 2016, 81% de ces décès étaient attribuables à des maladies, en majorité respiratoires et cardiovasculaires, et 19% à des accidents. Une durée hebdomadaire de travail excessive serait le principal facteur de risque devant la pollution et toucherait principalement les hommes de plus de 54 ans, en particulier dans les régions d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. En France, vous avez travaillé dans l'industrie? Dans le bâtiment, dans les travaux publics, hein, voilà. Chine, celle qui est la plus polluée, le pays concentré Le pays concentre plus d'un tiers de l'ensemble des décès attribués à la pollution atmosphérique dans le monde, 450 000 en 2016. Cette pollution, notamment dans les mines, l'industrie textile et la sidérurgie, cause des maladies pulmonaires obstructives chroniques, dont la BPCO, dont les symptômes apparaissent de façon insidieuse et s'aggravent avec l'âge. 55 heures, c'est la durée hebdomadaire de travail considérée comme critique. Les risques d'accident vasculaire cérébral, AVC et de maladies cardiaques augmentent alors respectivement de 35% et 17% par rapport à une durée de 35 à 40 heures. France, celle qui paye encore l'amiante. 75% des 17 200 décès liés au travail en 2016 ont été causés par une exposition à l'amiante, pourtant interdite en France depuis 1997, ce que je disais tout à l'heure. Le nombre de victimes, essentiellement des hommes de plus de 60 ans, ayant travaillé dans le BTP, bâtiment travaux publics, ne cesse d'augmenter, plus 44% depuis 2000. Il faut 30 à 40 ans avant de voir apparaître les effets de l'amiante sur la santé. Cancer des voies respiratoires. Voilà. Là, on vit dans un beau pays. Hein. La santé des gens, c'est le principal souci des chefs d'entreprise et de l'État. Hein. Et de la sécurité sociale, bien sûr. 4195, c'est le nombre de lits d'hôpital supprimés en 2018. 3408, c'est le nombre de lits d'hôpital supprimés en 2019. 5758, c'est le nombre de lits d'hôpital supprimés en 2020. Voilà, hein, quand on se demande si on est bien gouverné, eh bien voilà des chiffres. Hein. 4 et 3, 7 et 5, 12 000 lits d'hôpitaux supprimés en 3, même pas 3 ans. Faille. Une nouvelle confirmation de l'évasion fiscale dépassant l'entendement. Alors, 11 300 30 30 30 d'euros. Une somme à 14 chiffres, soit de plus de 5 fois le PIB annuel de la France, placé dans les paradis fiscaux et détenu par une poignée de milliardaires, alors que des dizaines de milliards d'euros manquent à la santé, à l'éducation, à l'environnement, à l'aide publique, au développement, le consentement à l'impôt et à travers lui, notre pacte social est miné. Alors, l'abandon stratégique d'un pays occupé, l'Afghanistan, aux mains de fanatiques religieux. Un secret de la confession à odeur sulfureuse. Certains entendraient faire passer le secret de la confession au-dessus des lois de la République. Bon, changeons encore de sujet. Un libre marché de l'énergie, dit concurrentiel, qui se traduit par une flambée des prix. Une santé au rabais. Une revalorisation des pensions et des retraites de base, commission des comptes de la sécurité sociale à coup sûr, bien inférieure à l'augmentation galopante des indices des prix ces derniers mois. Voilà, etc., etc. Je lis que des extraits parce que, il y en a marre de ces mauvaises nouvelles, hein, et de ces mauvais gouvernants. Et ces mauvais gouvernants, attention, il faut dire, mea culpa se fera pas la culpe, hein. Eh oui, parce que c'est nous qui les avons élus, hein. Les gens qui nous gouvernent, c'est nous qui sommes responsables de les avoir élus. Oui, enfin, quand je dis nous, moi je me retire sur la pointe des pieds. J'ai pas voté pour ces gens-là, moi. Voilà.